Bonsoir tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver pour ce dernier round des Corona Geekery. C'est bientôt le déconfinement, en tout cas le gouvernement nous le promet depuis longtemps. Alors est-ce que ce sera un déconfinement total, massif et serein et sain? Rien n'est moins sûr, néanmoins il est temps pour nous de reprendre un petit rythme normal. Et donc c'est notre dernier petit round de nos Corona Geekery. Mais comme d'habitude à mes côtés j'ai le plaisir d'avoir avec moi Spider-Matt. Bonsoir Spider-Matt. Bonsoir. Et également Rocket Dramout, comment vas-tu mon Rocket Dramout? Bonsoir. Ça fait plaisir hein, de se dire qu'on a tenu quand même 8 podcasts, 8 émissions en quelques semaines, quand même. Mais, hein. Mais qu'on reviendra après, enfin c'est le dernier round, mais c'est pas la dernière. Ah ben oui, on va pas se mentir, dans 15 jours, 3 semaines, on est de retour. Hein, mais bon, voilà, c'est pour le suspense. Et pour terminer ces Corona Geekery, pour ce dernier round, on a deux invités absolument exceptionnels, qu'on tenait absolument à avoir à nos côtés, soit une fois de plus, soit pour la première fois. Nous avons avec nous Kit Fisto, le serial reviewer de lescomics.fr. Comment vas-tu mon Kit? Impeccable, merci. Merci de m'avoir convié les gars, ça fait plaisir. Bah, c'est... Salut tout le monde, bonjour le chat. C'est nous qui sommes absolument ravis. Les gens ont plus souvent l'habitude en fait de lire tes reviews, de lire tes petits articles, que de forcément entendre ta voix. Et ce soir, pendant 2h, 2h30, tu es à nous, corps et âme. J'y sais, corps et âme. Ouh. Ah oui, on va faire des choses absolument. De me toucher le téton là, tu vois. Range-moi ce téton, c'est encore toi. Attends. Et notre deuxième invité, c'est la légende. C'est voilà celui qui est à la droite de Dieu, celui qu'on appelle le prophète du comics game, Rétrophile. Bonsoir Phil. Salut, bonsoir tout le monde. L'homme qui a vaincu le Covid hein, quand même. Et ouais, vous n'êtes pas débarrassé encore. Et non. Alors que tu m'avais promis normalement un Strange en héritage. Un Strange, exactement, ouais. Et voilà, et je l'ai dans le cul. J'ai pas eu mon Strange, mais on a Rétrophile ce soir. C'est quand même pas dégueu non plus, quoi. Hein? Bon, c'est toujours ça de prix. Avant de commencer nos geekeries, donc le principe reste le même, on est 5, on a 2 geekeries chacun, et à tour de rôle, on va essayer de partager avec nos auditeurs eh ben, ce que nous sommes en train de geeker pendant cette période de confinement. Pour la dernière fois, on va vous présenter nos petites trouvailles, nos petites pépites, qu'on aime ou bien qu'on n'aime pas, hein, parce qu'on est toujours très franc. Alors des fois, il faut partager des choses qu'on aime, et des fois, il faut savoir aussi dire quand on n'aime pas ce qu'on est en train de lire ou de regarder. Faut pas hésiter. Mais avant toute chose, demain, le 2 mai, ça fera un an que la rubrique Geek existe, et on a demandé Excalibur s'il voulait être notre partenaire pour un petit concours. Et donc du coup, on va vous faire gagner toute cette semaine. Vous avez eu l'opportunité de participer à un concours sur Instagram et Twitter, sur le nouveau compte de la rubrique Geek. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à nous rejoindre et à suivre nos pérégrinations sur ces deux nouveaux comptes. Et c'est ce soir, à peu près au milieu de la soirée, qu'on va tirer au sort le gagnant du concours. Mais qu'est-ce qu'il y aura à gagner, me direz-vous? Et c'est ma chère Micheline Dramout qui va vous présenter ce lot. Qu'est-ce qu'on a à gagner, mon cher Dramout? On fait gagner, du coup, le premier volume intégral de la série Invincible, la série qui ne devait pas avoir d'intégrale. Et que je n'aime pas. Et que tu n'aimes pas. Et voilà. Voilà. Mais donc, voilà. C'est donc, pas grave. On vous fait gagner un titre que je n'aime pas. Voilà. Voilà. Mais qui, pour rappeler au futur gagnant s'il écoute le live, le titre n'est prévu actuellement que pour le 1er juillet. Du coup, voilà, si vous ne le recevez pas tout de suite, vous crachez sur G, mais c'est tout. Voilà, il faudra patienter un petit peu, évidemment. Pour rappeler que il n'est pas déjà sorti ou il sort tout de suite, quoi. Il y aura un peu de temps. Et donc du coup quand même, hein, avant de se lancer dans cette première geekerie, on va quand même dire bonjour au chat, hein. Bonjour à Laura TV, bonjour à Jules et Nico, bonjour à Cédric de Comics Discovery, bonjour à Secteur 2814, bonjour à Romuald Sauvage, à Franck G, à Mister No, à plein de gens, ah voilà, bonjour aux comics de Fred, ça fait tellement plaisir de vous retrouver à chaque fois, et un grand merci d'avoir été fidèle pendant tous ces rendez-vous, hein, ça nous fait super plaisir, et on va pouvoir commencer cette première geekerie, et c'est toi mon cher Dramoun qui ouvre le bal avec un truc que personne ne connaît encore une fois. C'est ça. Vends-nous du rêve. Ouais. Faut que je me trouve des nouveaux acolytes en fait. Faut que je trouve un nouveau collectif. On est des potes de merde. Là, je vais vous parler de Adrasté, un titre du coup écrit, dessiné, colorisé par Mathieu Bablet, qui Mathieu Bablet en fait fait partie du collectif du label 619 chez Ankama, le label chapeauté par Run, Guillaume Saint-Gelin, donc notamment lui et Florent Modou, qui est principalement donc, du coup connu en fait pour tout son travail sur les Doggy Bags, sur du coup les Midnight Days qu'il avait lancé il y a maintenant 2 ans, et du coup sur son Shangri-La, qui est l'un de ses titres les plus connus, parce qu'il était notamment dans tout ce qui est donc dans la sélection Angoulême et qui avait été plébiscité. Je crois qu'il avait reçu le prix aux Utopiales de Nantes. Là-dessus, je suis pas certain. Ça serait à checker. Du coup, de quoi ça parle Adrasté? Alors Adrasté, ça parle en fait d'un roi, du roi de Hyperborée, qui est immortel et qui, après 1000 ans passés sur son trône de pierre, après avoir vu sa bien-aimée mourir, son fils mourir, etc., et qui n'a plus forcément du coup tous les souvenirs de sa vie, part en fait en périple vers le mont Olympe pour essayer d'avoir des réponses, poser ses questions aux dieux et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il a cette vie-là et pourquoi lui, et essayer de comprendre comment dire qui était sa bien-aimée, etc., quoi. Et comment dire, c'est un titre, c'est ce que moi j'appelle un peu une fable mythologique, parce que on est vraiment sur un récit, c'est un récit, c'est un voyage, c'est un peu vraiment le comment dire une initiation pour le personnage vers un périple, etc. Et on va croiser tous les éléments propres un peu à la mythologie grecque. Du coup, que ce soit les dieux, que ce soit les créatures, hein, comme les harpies, les choses comme ça. Et on va suivre du coup ce personnage à travers des villes, à travers des lieux symboliques. Et en fait, une partie de son histoire va être un peu révélée par toutes les légendes qui existent sur lui, parce que comme il a plus de 1000 ans, ça fait des années que des histoires sur lui en fait sont un peu transmises de génération en génération et de peuple en peuple, et du coup quel est un peu le fardeau finalement d'avoir été immortel, et comment son immortalité a créé à la fois des problématiques comme des guerres, à la fois des sortes de croyances aussi pour certains, des choses comme ça. Et voilà, et sans être un scénario extraordinaire, parce que moi je le mettrais pas dans la case des scénarios extraordinaires, c'est pour moi ça a été une claque visuelle comme j'ai pas souvenir, et je pense sincèrement que c'est peut-être la plus grosse claque visuelle que j'ai prise depuis plusieurs années, parce que Mathieu Bablet, c'est un mec qui est hyper doué pour faire tout ce qui est structure, tout ce qui est architecture et tout ce qui est paysage. Et là, le problème, c'est que, comment dire, on n'est pas du coup dans du dialogue ou quoi que ce soit pour le scénario. Mais par contre, pour le visuel, là, c'est complètement un point fort, parce que on est vraiment dans du voyage. Il y a une diversité des décors, une diversité des paysages. Il y a un travail sur les détails qui est affolant, il y a un travail sur les lumières qui est affolant, il y a un travail sur les couleurs qui est vraiment majestueux. Voilà, je pense sincèrement que c'est ma plus grosse claque visuelle depuis des années, parce que c'est pas une question de super beau dessin parce que c'est réaliste ou quoi que ce soit, parce qu'après pour les personnages il a son trait qui lui est propre, mais c'est la faculté en fait à retranscrire la lumière dans les décors, à mettre de la profondeur, à mettre du relief, etc. Et j'ai des pages qui me restent en tête. C'est fou, quoi. C'est affolant. Et je le conseillerais. Enfin, moi j'ai bien aimé l'histoire, mais l'histoire est on va dire assez classique dans la construction. Même si moi elle m'a quand même bien emporté sur tout le long, mais pour les amateurs vraiment de dessin et surtout de dessin de paysage, je peux que vous recommander de sauter dessus ou de le feuilleter ou quoi que ce soit pour vous donner une idée, parce que c'est vraiment un travail sublime et majestueux. Et il est à 20 balles, hein, c'est ça, 19,90. Ouais, c'est parce que maintenant, en fait, à l'époque, c'était sorti en deux tomes. Ouais. Et du coup, il y a une forme. Du coup, il y a une intégrale qui est sortie, du coup, il y a quelques années, en 2013, je crois, un truc comme ça. Ouais. On a. Merde, j'ai perdu sa question. Aurélien Gabarella qui nous demande si tu as lu Shangri-La. Ouais. Merci. Ouais. En fait, il me pose la question parce que, en plus, avec Aurélien, on en avait discuté ensemble sur Twitter. Je sais que lui est pas. Et ne met pas Shangri-La dans la catégorie chef-d'œuvre, et parce que c'est un titre qui a été plébiscité par la critique, qui est reconnu par beaucoup de médias comme ça, et donc qui avait fait pas mal de bruit lors de sa sortie à l'époque. Mais ouais, Shangri-La, pour moi, c'est pour les gens qui aiment la SF. Pour moi, il fait partie des meilleurs titres de SF que j'ai lus. Après. Je reprendrai finalement un peu ce que j'avais dit du coup à l'époque sur Twitter à Aurélien, c'est que moi je l'avais lu dans une période où ce que je lisais comme SF c'était pas fou, c'était toujours un peu la même construction et c'était toujours un peu les mêmes problématiques, même histoire. Et ce qui fait que pour moi c'est aussi pour ça que c'est un titre qui ressortait d'autant plus. C'est-à-dire que nos lectures elles sont forcément conditionnées par ce qu'on a lu avant, ce qu'on a lu après, notre bagage, etc. Donc moi, j'avais été vachement transporté et ça fait partie des meilleurs titres SF que j'ai pu lire. Mais voilà, il y a aussi le contexte qui fait que ce que j'avais lu en SF avant était vraiment pas fou. C'était très bateau, très lambda, toujours la même construction narrative, toujours les mêmes problématiques. Donc, comment dire? C'est voilà. Donc moi, Shangri-La, je le mets. Shangri-La, il est dans mon top parce que par contre, j'adorais les dessins comme j'ai adoré le scénario qui m'avait bien happé parce que c'était des grosses problématiques d'anticipation, des grosses problématiques de SF, des grosses problématiques de humaines, etc. Non, c'était assez fou, quoi. Et on me dit que c'est super déprimant, Shangri-La. Ouais. Bah, ouais, parce que on est dans un contexte. En fait, c'est la SF, mais on est dans un récit un peu d'anticipation. Donc, du coup, on pourrait être dans l'anticipation sans être dans la SF, hein. Et du coup, on le met vraiment dans la catégorie SF pour le genre, mais pour moi, c'est plus un récit d'anticipation, et c'est peut-être pour ça qu'il est plus un peu plus marquant et un peu plus comment dire, ouais, un peu plus difficile sur certains passages. Après, je trouve que c'est un récit qui est très très humaniste et qui a une grosse part d'humain, chose que je retrouve aussi dans Adrasté et dans son autre titre qui s'appelle La Belle Mort. Qui est un truc un peu à peau. Enfin, lisez La Belle Mort, ça rentre bien dans le contexte d'aujourd'hui. Mais voilà, je trouve qu'il arrive à faire des récits vraiment humanistes et qui, comment dire, a bien travaillé les personnages. Après, qu'on soit dans un récit un peu à peau, dans un récit d'anticipation ou dans un récit un peu mythologique, le genre varie, mais il garde certains points forts. Après, pour moi, chaque titre est vraiment différent. C'est-à-dire qu'il a sa patte, mais on peut accrocher un titre et ne pas accrocher aux autres ou vice-versa. C'est pas le genre d'auteur où si on aime tout, ou si on déteste tout. Eh bien, merci. Je vous demanderai bien, messieurs, si vous avez lu Adrasté, mais je sais que non, puisqu'on a préparé cette émission, c'est incroyable. On est des ouf. Mais par contre, est-ce que vous connaissez un peu Mathieu Babelais? Moi, j'avoue que pas du tout. Voilà. Non. Et j'ai toujours été tenté par Shangri-La en fait. Mais du coup, je pense que je vais m'y mettre. Eh bien, écoute, et Phil, j'y sais. Non, je connaissais pas. Je vais attendre qu'il De soit à nom, ouais. 4,90 à Carrefour. Mais De nom, ouais, surtout. peut-être. Le plus simple, ce sera de le voler, à mon avis. Mais pas ce soir, hein. On est surveillé, donc pas ce soir. Eh ben merci, on va pouvoir passer à la prochaine geekerie. Et c'est toi, mon cher Kit. Et tu vas nous parler de Star Wars. Ouais, donc on va vous emmener dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ah oui, je voulais t'entendre parler de Star Wars. Voilà. Donc en plus, j'ai pas pensé, mais dans 3 jours, c'est le 4 mai. Qui dit 4 mai? May the Force, les gars. May the Tout à Force be fait, with you. tout à fait. Hein? Star Wars Day. Et Voilà. si je peux me Voilà, permettre, Star Wars Day. je te donne mon coup de gueule. Voilà, je suis désolé, je fais un aparté, vous en battrez les couilles. Mais Oh, certainement. Lego sortait une gamme de casques de certains persos, il y avait le Stormtrooper, Boba Fett, etc., que je trouvais vraiment sympa. Ouais. Et qu'ils l'ont lancé, c'est parti en rupture dès que ça a été lancé. Ils ont refait du rapprovisionnement, ils ont encore fait le truc, enfin c'est encore en rupture. Et du coup, bah voilà, j'ai le seum, donc ils font toute la pub. Ouais, Star Wars Day, Lego Star Wars Day, toute leur gamme, machin, les bonus. Et les casques, ils sont en rupture, c'est bâtard. Voilà. Putain, j'ai le seum. Alors, Mandalorian, qu'est-ce que ça raconte? Alors, Mandalorian, donc Mandalorian. Mandalorian, c'est une culture hein, qui existe depuis très longtemps dans l'univers Lucasfilm, donc depuis surtout 1980 où le personnage est arrivé pour la première fois au cinéma par le biais de Boba Fett, hein, le célèbre chasseur de primes qui fait que quelques minutes à l'écran, ouais, mais qui a gardé une part de mystère. Qui a été après exploité dans les comics, dans les romans, quand c'était encore l'univers depuis qui est devenu légende. Hein, donc ça a été exploité, mais vraiment pour la fanbase de l'univers Star Wars, quoi, qui était à fond dans l'univers étendu, que ce soit les romans, les jeux, les comics. Mais pour le grand public, c'est resté un personnage mystérieux jusqu'à la prélogie où on a développé le personnage de Boba Fett et avec son père, Jango Fett, le clone, tout ça. Mmh. Et au moment du rachat de Disney, donc Disney a voulu relancer ce qu'on appelle la postlogie, les épisodes 7, 8, 9, et lancer des films spin-off, qu'on dit spin-off. Donc il y a eu le succès de Rogue One, le flop au box-office malheureusement de Solo, hein. Et à l'origine, il devait y avoir un film Boba Fett, enfin un film sans doute centré sur Boba Fett. C'était ce qui était fortement ressenti, prévu pendant des longues années. Et au final, patatras, le flop au box-office de Solo n'a pas aidé la chose. Donc pas de film sur les Mandaloriens ou sur Boba Fett, mais une série pour lancer la fameuse plateforme Disney+, qui est arrivée à la fin d'année aux États-Unis. En Europe, chez nous, au premier trimestre, et donc chez nous, qui est arrivé à cause du confinement, début avril, le 7 avril. Donc du coup, c'est une série en mini-série, en 8 épisodes. Hein. Des épisodes qui, donc, c'est ça qui a fâché pas mal de monde, c'est que c'est des épisodes assez courts, surtout sur les premiers, qui oscillent entre 30 et 45 minutes. Donc les premiers sont vraiment très courts, hein, assez courts. Mais ça permet justement de centrer le tout sur l'histoire principale, l'action. Donc le Mandalorien en question, c'est un Mandalorien qui n'a pas pour l'instant de nom. C'est un peu l'homme sans nom, c'est un peu Clint Eastwood des western spaghetti de Sergio Leone. Hein. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas trop son passé. On est d'accord qu'on reste no spoil. Hein. Non, on reste no spoil, ouais, tout à fait. Donc on ne connaît pas son passé, voilà, il bosse pour une guilde de chasseurs de primes, donc ouais. Il remplit des contrats, il capture des cibles, il les ramène à son patron, chef de la guilde, et il emmagasine de l'acier Beskar, c'est ce qui sert à customiser son armure de Mandalorien, parce que voilà, un Mandalorien sans son armure, ce n'est pas un Mandalorien. Voilà, donc il customise son armure au fur et à mesure de ses missions. Voilà. Et donc du coup, un jour, on lui propose une mission qui va lui rapporter plus que d'habitude. Il se jette dedans, il dit ouais, ça va me permettre d'en finir avec une armure complète. Il accepte la mission. La mission, c'est de retrouver un individu de 50 ans. Il est embauché par un client qui est un ancien de l'Empire, parce qu'en fait la série se passe 5 ans après la chute de l'Empire qu'on a vu dans Le Retour du Jedi, l'épisode 6 de 1983. Ouais. Donc ça se passe 5 ans après. Donc, si tu veux éventuellement établir une chronologie, ça se passe 10 ans après que Luke Skywalker a fait péter l'étoile noire, la première étoile noire. Donc voilà. Du coup, il reste encore des factions impériales disséminées au travers de la bordure extérieure. Et un mystérieux personnage qu'on appelle le client, campé par un très grand acteur et réalisateur allemand, Werner Herzog, embauche le Mandalorien pour trouver ce fameux cette fameuse cible. Donc le Mandalorien obéit, il se rend sur place, il trouve sa cible, et là, voilà, mystère. Donc, je pense que vous savez tous qui est cette cible qui a fait craquer et fondre plus d'un sur la toile. Voilà, hein. Et de là, va s'engager 8 épisodes où le Mandalorien va, malgré ses principes et son credo, son idéal de chasseur de primes et de guerrier mandalorien, va éventuellement changer d'optique et retrouver un peu d'humanité qu'il avait sans doute mis de côté depuis pas mal de temps. Et donc ça s'enchaîne sur des épisodes vraiment... c'est vraiment ce qu'il a sans doute manqué beaucoup dans la postlogie des épisodes 7, 8, 9, c'est de la simplicité, c'est de l'authenticité et un côté qui manquait depuis la trilogie originale, c'est l'esprit western, l'esprit samouraï, l'esprit Moyen-Âge qu'on retrouvait dans la trilogie classique des épisodes 4, 5, 6. Et une histoire. Et c'est ce qu'on... Et une histoire, voilà, parce que, bon, on va dire, je suis souvent pas très objectif dans tout ce qui concerne Star Wars, mais mon Dieu, j'ai été très déçu par l'épisode 9 de la post-logie, hein. Et cette série m'a... J'ai été vraiment plus dans l'attrait et l'intérêt de cette série que finir la trilogie 7, 8, 9, quoi. Donc c'est vraiment... on retrouve vraiment l'esprit... des anciens films. Il faut dire que les mecs qui ont bossé dessus, c'est quand même des gars qui ont soit bossé pour des grosses licences ou qui ont déjà bossé pour Star Wars. L'un des réalisateurs des épisodes, c'est Dave Filoni, qui on doit les séries animées Clone Wars, qui existait déjà en 2008 et qui a été relancé pour une dernière saison sur Disney+, qui est rendu à la 7e saison. Il y a 7 saisons au total de Clone Wars. Et qui a par la suite fait la série, donc ça se passe, bon, comme ça le dit, pendant la guerre des clones, et qui a ensuite fait la série Rebels, qui dure sur 4 saisons, qui avait du mal à se lancer sur la première saison, mais qui était vraiment excellente sur de la saison 2 à la saison 4, les dernières saisons, était vraiment superbe. Et on retrouve pas mal de liens justement, avec les Mandaloriens, qui sont la culture mandalorienne de la série The Mandalorian, avec l'esprit des Mandaloriens qu'on retrouve disséminé par-ci, par-là dans la série animée Clone Wars et dans la série animée Rebels. Donc voilà, il y a un casting de aussi qui est quand même vraiment pas mal, qui est vraiment fait pour appâter le chaland des geeks et des grands enfants des années 80 que nous sommes, parce qu'il y a quand même le patron de la guilde, c'est Griff Karga, qui est interprété par Monsieur Apollo Creed en personne, hein, Carl Weathers. Moi, dès que je le vois, j'entends la cloche sonner. Voilà. If he die. Oh, voilà. Putain. Donc voilà, qui joue le chef de la geek, Griff Karga, hein, qui propose l'émission aux Mandaloriens. Donc là, voilà, déjà, c'est un peu notre œil d'enfant là qui frétille quand on voit Carl Weathers qui a joué aussi dans Predator. Et pas que l'œil, pas que l'œil. Pas que l'œil. Donc on a aussi donc le Mandalorien, il est campé par Pedro Pascal que le grand public connaît pour sa participation éphémère à Game of Thrones, comme la plupart du casting de Game of Thrones, hein. Voilà. Je vais pas m'étendre sur Game of Thrones parce que voilà. sinon, il a joué aussi dans Narcos. Ouais. Et puis il a joué dernièrement dans le film Netflix avec un gros casting, mais que j'ai pas vu. C'est Triple Frontière avec avec Ben Affleck, pardon. Et puis d'autres acteurs. À ses côtés, on retrouve aussi donc Gina Carano, c'est une ancienne championne de MMA qu'on a retrouvée dans Deadpool, ouais. Face à Deadpool, hein, voilà, qui joue une ex-trooper de la Rébellion, qui s'associe avec notre Mandalorien lors d'une mission, et bon, ils deviennent amis, et du coup on le revoit sur quelques épisodes. Et non, il y a vraiment un gros casting, que ça soit vocal aussi, parce qu'il y a quand même Nick Nolte, je sais pas si vous savez, mais il y a quand même Nick Nolte qui joue dans Mandalorian, les gars. Sérieux ? Nick Nolte, quoi, 40. Voilà. Il prête sa voix à un fermier, éleveur Il joue le, donc il donne sa voix à un Ugnaught. Alors les Ugnaught, c'est des les petits nains qu'on voit dans la Cité des Nuages, dans l'Empire contre-attaque, qui se baladent là, vous savez, là, dans le palais de Jabba, l'épisode 6. C'est des techniciens là, vous savez, là, qu'on voit un peu, qui, je sais pas si vous voyez, qui ont des têtes assez porcines. Voilà, donc c'est Nick Nolte qui prête sa voix à Quill, le fermier là, avec qui justement le Mandalorien a une petite affaire ensemble. Hein. Et puis du coup. Donc je disais tout à l'heure, il y a Werner Herzog, donc un grand réalisateur allemand qui a réalisé une version des années 70-80 de Nosferatu, qui a joué le méchant dans Jack Reacher avec Tom Cruise. Je sais pas si vous le voyez, vous vous en souvenez à la fin, là. Il y a un mystérieux personnage. Donc c'est un grand réalisateur allemand qui n'avait jamais entendu parler de Star Wars, qui n'avait jamais vu un Star Wars avant de jouer dans Le Mandalorian. Donc voilà, on retrouve aussi sur quelques épisodes Ming-Na. Donc Ming-Na, c'est qui jouait. Attends, JC, si t'es d'accord, on va faire plus simple. Tu vas nous dire tous ceux qui sont pas dans la série. Parce qu'il y a du monde, a priori. Voilà. Non, il y a du monde, il y a du people. Non, il y a vraiment du monde. Il y a Clancy Brown qui jouait le Kurgan dans Highlander. Il est maquillé, vous allez peut-être pas le reconnaître, mais il joue dans un des épisodes. Ouais. Je vous laisserai le trouver. Voilà. Il y a Giancarlo Esposito qui jouait dans Breaking Bad, Usual Suspect, qui joue aussi un bad guy dans la série. Donc voilà, il y a quand même un sacré casting. Niveau réalisation, c'est pareil, c'est quand même le gratin. Alors le showrunner, c'est Jon Favreau. Jon Favreau qu'on connaît tous, qui a joué Happy Hogan dans les films Marvel, qui a joué aussi dans le premier film Daredevil, qui jouait Foggy Nelson dans le premier film Daredevil. Mm. Qui aurait donc réalisé Iron Man 1 et 2, qui a joué dans Friends, qui a joué dans Friends, le gars qui veut faire de l'Ultimate Fighting, le copain de Monica, tout à fait, ouais. Voilà, qui était tout fin à l'époque, hein, voilà. Et donc lui, il est showrunner et plusieurs réalisateurs se donnent la main sur chaque épisode. Donc il y a Dave Filoni qui a contribué à la création des séries animées Clone Wars Rebels. Tu as Bryce Dallas Howard, donc la fille de Ron Howard, qu'on voyait jouer Gwen Stacy dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, qui a joué dans plein d'autres films, hein, dans Jurassic World par exemple. La petite rookie de Jurassic World, c'est elle qui réalise quelques épisodes de Mandalorian. Mais grosso modo, il y a Taika Waititi. Ça vaut quoi? Parce que là, tu vas me faire tous les personnages, vu on est là jusqu'à 23h. Ah bah non, mais il y a du lourd au niveau casting. Non, après, moi, je pour ceux qui ont été... Franchement, tout le monde peut regarder, parce qu'il n'y a pas forcément de connexion à faire. Le connaisseur fera une connexion sur tous les films Star Wars. Il y aura des connexions partout, sur tous les films, tout l'univers étendu, il y a des connexions partout. Mais celui qui n'a jamais vu un Star Wars peut se lancer aisément dans cette mini-série. Ça lui donnera peut-être envie de voir autre chose. Mais c'est vraiment abordable. C'est vraiment un western sur 8 épisodes. C'est l'homme sans nom, c'est Clint Eastwood dans une lointaine galaxie. C'est clairement ça. Y a toute l'ambiance. Voilà. Et tu as des choses en plus que tu ne retrouves pas dans d'autres Star Wars, style le générique de début, le générique de fin. Le générique de fin, ça te reprend tout l'épisode avec tous les concepts art qui ont été faits pour l'épisode. C'est vraiment super, c'est très joli. Et la musique, une très belle musique, on entend en fond, puis le générique de... Ça fait une musique très western, mais aussi très médiévale. C'est un peu normal, parce que c'est Ludwig Göransson, c'est un compositeur suédois qui avait fait des musiques sur Black Panther, Creed et Creed 2. Et t'as vraiment une très belle, très très belle musique. C'est vraiment chouette, c'est très beau la musique aussi. Ça donne un esprit vraiment, on accroche. Hein. Enfin, perso, j'ai vraiment accroché à cette série bien plus que l'épisode 9, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc franchement, tout le monde peut regarder. Moi, j'avais déjà vu la VO. Hein. Comme beaucoup de monde, j'ai un oncle américain. Donc j'avais déjà vu John G. Say dans Los Angeles. Yeah, I'm one again. Et là j'ai revu 4 épisodes avec mes gamins. Ma fille aînée, surtout qui a 12 ans, bah, elle a adoré, quoi. Elle a trouvé ça super. Donc voilà. Non, non, je ne vais pas spoiler sur ce qu'on a vu plein de fois sur Internet. Je laisse tout le monde découvrir la chose, même si tout le monde le sait, je pense. Mais franchement, on retrouve vraiment l'esprit qui nous a manqué sur la post-logie. Et la simplicité, l'authenticité, moi je trouve. C'est vraiment. J'ai vraiment apprécié. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous, le peu que certains ont peut-être déjà vu, ont apprécié ou pas, ou ont le même ressenti. Mais moi perso, ouais, c'est. Voilà, j'ai plus kiffé cette série que la post-logie et notamment l'épisode 9 de Star Wars dernièrement. Voilà. Et toi, mon Donc je cher sais pas Phil? si. Ouais. Phil. Oui. Ah, ça y Oui. est, il est revenu. Il est revenu, il est pas content. Il est pas content. T'as pas aimé? J'ai vu Nico qui a mis sur le chat qu'il avait vu que le premier épisode et que ça avait l'air cool. J'ai presque envie de lui dire arrête-toi ici. Arrête-toi ici parce qu'après, alors je sais pas s'il y a eu un effet déception parce que j'étais hypé par Twitter et compagnie, mais franchement, ça m'a beaucoup fait penser à Xena ou Hercule, des trucs comme ça, scénaristiquement. Et même, il y a tout un épisode qui se passe dans une prison, ça sent le carton-pâte à fond, quoi. J'ai franchement, je m'attendais vraiment à quelque chose de bien avec Star Wars, avec tout le pognon qu'ils peuvent mettre dedans. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, une série de seconde catégorie. Par contre, je me suis arrêté à l'épisode, je sais plus si c'est le 4 ou 5. Je vais continuer, hein, c'est que je savais pas qu'ils avaient continué sur Disney+. Je vais quand même aller jusqu'au bout parce que c'est vrai que ça dure pas longtemps, ça dure 30 minutes, un truc comme ça. Non, ouais. Mais Sur ouais, certains il y a épisodes. vraiment eu une grosse déception quand je l'ai vu, peut-être parce que je me suis dit ils vont sortir la planche à billets et puis ils n'ont pas besoin de s'embêter avec tout ce qui est les autres films. Voilà. Donc petite déception quand même. Alors, si je peux me permettre, hein. Tu JC, dois il te a rendre mis 20 aussi ce film. minutes. Il a mis 20 minutes à faire monter la hype, tu vois. Et toi, en 30 secondes, t'as tout niqué. Et le casting, c'est tous des cons! Non, je plaisante. Bah, moi j'ai juste vu le premier épisode et franchement j'ai trouvé ça plutôt tentant. Ah, le premier est très bon, je trouve. Hein. Il y a vraiment l'ambiance western et compagnie. Et après, ça part vraiment. Ça sent le faucher un petit peu. Il y a un épisode qui se passe dans la forêt, tu vois, mais t'aurais pu faire ça avec des copains. C'est vraiment limite ça, quoi. Bah, c'est un côté là le côté forêt, c'est un côté Stargate SG1, j'ai trouvé. Ouais, donc Ça arrive c'est dans. série de seconde division, ouais. Ouais. Ouais, mais peut-être que c'était ils étaient peut-être pas encore trop sereins de la lancer, ils ont peut-être pas encore mis les moyens, bah encore, je sais pas, Oh, peut-être que c'est ça. mignon. Moi, quand il y Peut-être. a un Hulk pourri, je réagis comme toi, tu vois. Je dis oui, mais tu comprends. On peut peut-être trouver une excuse. C'est mort! C'est mort! Bah, mais je vais quand même regarder la série parce que, enfin, même si c'est seconde zone, des fois, tu peux quand même avoir des histoires qui sont sympas. Et j'ai tellement été déçu de la dernière trilogie. Que du coup, je vais me venger sur ça. Et j'ai regardé le premier épisode hier soir, j'en avais regardé un bout, mais il y a déjà quelques temps, mais pas en entier. Et ouais, enfin, tu vois, pour le premier épisode, ça m'a bien donné envie. Et toi, du coup, Spider-Man? Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi en fait, comme je disais. Ah! Bah, Rebondissement! quand ils avaient annoncé à la base qu'ils voulaient faire un film sur Boba Fett, je voyais pas l'intérêt en fait, parce que bah, le mec on le voit deux fois, il meurt un peu comme un con, donc je voyais pas trop l'intérêt. Mais du coup qu'ils prennent un autre personnage de la guilde des Mandaloriens, je trouve ça bah, intéressant et plutôt bien vu. En plus, l'acteur principal, du coup, vu qu'il a bah, tout le temps un casque, tout doit passer son jeu d'acteur par la gestuelle. Donc il y a quand même un taf à rajouter. Donc c'était plutôt bien géré, plutôt bien fait, je trouvais. Et j'ai bien aimé aussi le fait que les épisodes sont assez courts, parce que comme ça, on voit quand même direct à l'essentiel, on n'a pas Ouais. trop d'intrigues secondaires ou tertiaires qui traînent un peu en longueur pour arriver aux 45 minutes. Donc ça, j'ai bien aimé. Et j'ai pas eu cette sensation de décor en carton-pâte. Au contraire, j'ai trouvé que. Bah, je trouvais qu'il y avait des moyens quand même et que c'était plutôt bien fait en fait. Et je passais un très bon moment perso. Dramout, tu l'as pas vu toi? Si, si, moi. Si, tu l'as vu? Alors vas-y, départage-nous. Moi, je suis partagé. Parce que. Non, mais Le je mec trouve qui qu'il y a de suit. très bons trucs. Je savais En que t'allais fait. niquer mon effet. Non, mais. En fait, Jon Favreau est le showrunner, mais les principaux. Enfin, les principaux scénaristes de la série, c'est Jon Favreau et Taika Waititi. Et le problème, c'est que ces deux univers assez distincts, et deux visions, enfin deux écritures assez distinctes. Et le moi quand j'ai regardé, c'est ça le, enfin des fois c'est ça qui me gênait, c'est que je sentais la différence d'écriture entre les deux et la construction des deux. Donc il y avait une, je sais pas, il y avait un truc inégal qui des fois me gênait. Mais après, j'ai quand même pris du plaisir, quoi. J'ai quand même bien kiffé, quoi. Eh bien, merci. Eh bien, nous serons définitivement partagés sur cette série, mais je vais quand même aller la voir, parce que j'ai mon petit Boba Fett, j'ai envie de savoir. Je suis interloqué par cette série. Et on va pouvoir passer à la geekerie suivante. C'est toi, mon cher Spider-Man, et là, tu vas nous parler de plein de trucs en rapport avec les jouets. Ouais. Alors, j'ai déjà commencé par une série que j'ai découvert, une série Netflix que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est The Toys That Made Us, une série de 3 saisons, 12 épisodes, un documentaire en fait sur les jouets un peu emblématiques de notre enfance, ou en tout cas des années 70-80. Et j'ai trouvé ça hyper cool, hyper bien fait. Par exemple, chaque épisode va se concentrer donc sur un jouet ou une gamme de jouets. On a un épisode sur Star Wars, un sur les Tortues Ninja, un sur même le jouet Star Trek. On a vraiment, chaque saison a vraiment plusieurs épisodes comme ça concentrés sur une gamme, et ils te retracent vraiment du début de la première étincelle, embryon d'idée, jusqu'à au blockbuster qu'il y a pu y avoir, comme par exemple sur les Transformers. Et c'est assez hallucinant en fait, quand on regarde un épisode qui dure environ 45-50 minutes, du début à la fin, c'est vraiment, par exemple Transformers, Optimus Prime, il a été créé, mais à la base c'était le mec qui a créé ça au Japon, il disait moi j'ai créé ça comme ça, un camion qui peut vite fait se transformer, mais vraiment très grossièrement, et il dit à la fin de ma carrière je vois que Michael Bay et Steven Spielberg ils reprennent le truc, ils font des films quoi. Et c'est vraiment des documentaires super bien filmés, montés, avec pas mal d'humour. Et il y a un épisode qui m'a beaucoup fait rire, c'est celui sur les maîtres de l'univers en fait. Parce que là, on se rend vraiment compte qu'à l'époque, je pense que c'est maintenant, moi, je vois les jouets en fait, que c'est fait, c'est tout est planifié des années à l'avance. Il n'y a plus vraiment de place pour l'improvisation, ou très peu. À l'époque, ils faisaient les jouets à l'arrache, et je pense que c'est pour ça qu'il y avait ce petit côté mythique dans toutes ces gammes. Par exemple, sur l'épisode donc sur les maîtres de l'univers, donc He-Man en anglais. En fait, c'était à la base, à cette époque, Star Wars défonçait le marché du jouet. Mais littéralement, les autres créateurs de jouets n'arrivaient plus rien vendre, plus rien sortir. Les petits garçons jouaient à Star Wars. Et ils se sont dit, faut qu'on lance un truc cool. Et les mecs, ils ont travaillé d'arrache-pied pour sortir, créer un univers, donc les maîtres de l'univers, avec donc Musclor, avec Skeletor, le château des ombres, donc le château des ombres qui était un super gros jouet que pas beaucoup de parents pouvaient payer parce que ça coûtait une blinde. Et qui était pourri. Ouais, il était beau quand même, il était beau, il avait son petit cachet. Ouais, non, mais d'accord, mais il y avait. Enfin, bref. Oh, il avait pas mal de fonctionnalités. Ça, ils en parlent aussi. En fait, il avait quand même pas mal de fonctionnalités, le château qui ont dû être quand même bien réfléchi. Ils ont fait donc toute cette gamme où les mecs, ils ont bossé d'arrache-pied. Ils racontaient aussi que, en fait, ça se finissait très tard les réunions de travail. Et en fait, il y a beaucoup de noms de personnages des maîtres de l'univers qui ont été faits sous alcool, en fait, parce que les mecs, ils s'en pouvaient tellement plus à un moment qu'ils avaient tout. Leur boss qui était derrière eux, parce qu'ils avaient mis un peu tous leurs espoirs dans cette gamme. Et quand ils sont arrivés chez les distributeurs, genre Toys R Us et compagnie, parce qu'ils disaient à chaque fois donc, qu'ils présentent une gamme de jouets comme ça, ils vont voir les distributeurs. Il y a une grosse réunion donc, et il y a tous les plus grands marchands de jouets. Et je crois que c'était Toys R Us, donc ils leur font la démonstration, et les mecs sont emballés, ils disent c'est cool. Ils leur demandent l'histoire c'est quoi ? En fait, ils n'avaient pas pensé à ça. Ils étaient tellement dans leur gamme de jouets, et les distributeurs leur disent, mais si on n'a pas d'histoire, les petits garçons, ils vont pas avoir de référence auxquelles s'accrocher en fait. Vos figurines sont cool, mais il n'y a pas d'histoire. Et les mecs, à l'arrache, ils disent, ah, on vous a pas dit. En fait, il va y avoir une bande dessinée. Il va y avoir un comics. Donc les mecs, ils ont envie de trouver des mecs pour faire un comics à l'arrache derrière de quelques numéros. Ils reviennent, ils représentent leurs comics, et les distributeurs ils demandent, mais pour les petits garçons qui savent pas lire à 4 ans, comment ils vont faire? Ah, mais on vous a pas dit, mais en fait il y aura un dessin animé aussi. Donc les mecs ils ont dû créer un dessin animé, donc le dessin animé et les maîtres d'univers derrière, en je sais plus combien d'épisodes, et c'était vraiment fait à l'arrache. Et pour ceux qui n'ont pas la télé, ah mais on vous a pas dit, il y a une pièce de théâtre aussi. Et allez. Et c'était vraiment faire la rage, quoi, vraiment à celui qui vendait le plus de jouets. Et finalement, bon ben, ça a cartonné. Pareil pour les anecdotes sur les Power Rangers. Les Power Rangers, le mec qui a dégoté ça, les Super Sentai au Japon, il a mis 8 ans à faire le tour des chaînes américaines pour essayer de vendre les Power Rangers. Personne n'en voulait. Et ils ont dû leur filer à la Fox qui leur a demandé une participation, donc un pourcentage sur les jouets qui se vendraient. Et au final, bah, ils ont fait la première année avec les Power Rangers, ils ont fait 1 milliard de recettes, tellement ça a tout défoncé. Putain. Et c'est vraiment marrant, voir, c'est vraiment sur des. Des fois, ça s'est vraiment joué à rien, ça s'est joué sur des paris. C'est des malentendus, des fois. Enfin, c'est vraiment une série que je conseille vraiment. Bah, ça revient vraiment sur toutes les franchises mythiques comme les Tortues Ninja et compagnie. Enfin, c'est vraiment excellent. Et je voulais aussi parler des chaînes YouTube qui font un peu la même chose, surtout Archaeotoys. La chaîne Archaeotoys, moi j'ai découvert il y a un an ou deux. Voilà, normal, ils ont moins de moyens. Hein. C'est une chaîne d'environ maintenant 50 000 abonnés, hein, quand même. Et il y a un gros travail aussi fait derrière. C'est vraiment des documentaires. Quand ils parlent des Batman de Kenner ou des Midclos, des Chevaliers du Zodiac. Les parcs d'attractions. Alors, je suis moins friand des émissions sur les parcs d'attractions. Hyper cool et hyper bien fait. Mais à chaque fois, plein d'anecdotes. On a une vidéo, c'est le jouet le plus dangereux du monde. Et d'ailleurs, ils avaient fait un jouet Star Wars avec Boba Fett qui tirait un missile de son dos. Ah, vrai ? Sauf que un petit missile, mais le missile avait étouffé des enfants, en fait. Ouais. Non, en fait, c'était pas ça. C'était pas ce jouet-là. En fait, ils avaient peur que ça fasse comme un jouet de Battlestar Galactica, je crois. Qui avait ils avaient arrêté la production. Laissé quelqu'un. Voilà. Et ils avaient peur que le Boba Fett, ça fasse le même. Et du coup, le Boba Fett, il y a quelques exemplaires. T'as cru que t'allais baiser JC ? Non, non, tu le baiseras pas, JC. C'était pour vérifier s'il écoutait. C'est bien. Mais par contre, j'avais vu je crois que c'est dans The Toys That Made Us, sur l'épisode de Star Wars, il montrait un mec qui avait une immense collection, la plus grosse collection au monde de jouets Star Wars, et il avait l'un des exemplaires de ce Boba Fett. Genre, il n'y en a que quelques-uns dans le monde, qui coûtent une véritable fortune, en fait, parce que c'est que des prototypes. Donc voilà, la chaîne Archaeotoys qui est très cool, je vous encourage vraiment à aller voir. Et pour finir, il y a aussi la chaîne Back in Toys TV. Alors pour le coup, eux, c'est plus du rétro gaming. Et il y a une émission en particulier sur la chaîne, c'est Je viens chez toi. Et donc la personne qui tient la chaîne va chez les gens. Mais parfois, il y a aussi des collectionneurs, par exemple, de Goldorak ou de choses comme ça, de figurines. Et va chez les gens et... leur demande de montrer leur collection. Il y a plein d'anecdotes. Enfin, les mecs sont hyper connaisseurs. On sent vraiment les passionnés. C'est vraiment un plaisir à voir et à écouter. Donc voilà, trois émissions que je conseille vraiment beaucoup pour ceux qui aiment bien les jouets. Je pense qu'ici, on aime tous bien un peu les jouets. Quand même. Rétrophile, je suis sûr que ça t'inspire. Ah, j'ai un petit gueule de rac là, 1m50 de moi, là, tu vois. Et tu connais Archaeotoys ? Archaeotoys, je l'ai jamais rencontré en convention, mais ouais, je connais sa chaîne parce qu'il a débuté il y a déjà un petit moment et je l'ai un petit peu vu monter. Ouais. Et je pense que c'est un gars vraiment sympa parce que même sur Twitter, comme tu disais, là, il doit être à 50 000 abonnés. Ouais. Même sur Twitter, tu mets un petit message, et il te répondra toujours. Il n'y a pas de snobisme ou ce genre de truc. Il était à 20 000 abonnés, ce que pas longtemps, je crois. Et il y a eu une vidéo du joueur du grenier où ils présentaient leur coup de cœur. Et je crois que c'est Seb de la chaîne joueur du grenier qui a fait de la pub en fait d'Archaeotoys. Du coup, le joueur du grenier, il a je sais pas combien de millions d'abonnés. Donc, Et il a fait un bouquin aussi, Archaeotoys, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il a fait un bouquin. Ouais. Et alors, je connais pas le. J'ai pas vu le bouquin, mais non, par contre, Archaeotoys, moi je suis ultra fan quoi. Et en plus, c'est vrai que tu regardes ses vidéos, il est. Il a l'air très sympathique quoi. Enfin bon. Et toi, JC, je suis sûr que t'aimes les vieux jouets. Il l'a peut-être rencontré d'ailleurs. Peut-être. Non, non, je l'ai pas rencontré, mais pareil, je suis abonné. Et puis sur les réseaux, comme dit Phil, très, très abordable sur les réseaux sociaux. Et puis on est tous un peu issus des années 80-90, grandi dans les années 80-90, donc oui. 70, Phil, 70. Pardon. Ouais, enfin, il a grandi dans 30, les années 30. 30. Oh, on est tous. Moi, j'étais jaloux de mes potes quand ils ramenaient à l'école leur jouet Musclor. J'étais dégoûté, quoi. J'étais Non, non, c'était vraiment. Et d'ailleurs, il y avait la bonne époque. Hein. Il y avait la petite anecdote sur les jouets Star Wars que, en fait, ils ont. Parce que, ce qu'ils ont fait, c'est que George Lucas, ben, quand il a sorti le premier Star Wars, voilà, le mec n'était pas connu. Personne ne croyait vraiment au premier film Star Wars. Et personne ne voulait de la licence Star Wars en jouet. Et du coup, ils l'ont filé à Kenner à l'époque, qui était une toute petite fabrique de jouets sans envergure, et qui ont carrément décroché la timbale. Et au final, ils devaient juste donner 10 000 dollars à l'époque à George Lucas pour les droits, renouveler les droits chaque année en fait. Jusqu'à ce que Star Wars, il y ait un gros vide où il n'y ait plus de films et plus rien. Et visiblement, la rumeur, ce serait que George Lucas, il a laissé traîner et qu'il n'est pas sorti de Star Wars pour récupérer la licence des jouets en fait. D'accord. Ouais. Mal l'en aura fait, hein. C'est sûr que là. Ouais, parce qu'en fait, Kenner, à chaque fois, il venait vers George Lucas. Et regardez, on a des idées pour d'autres films. Et George Lucas, il faisait la sourde oreille. Non, j'ai pas envie de sortir de film. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était récupérer tout le merchandising. Et qu'ils ont vu qu'à la fin, ils vendaient moins de jouets que ce que ça leur coûtait en licence, parce qu'ils vendaient plus rien. Ils lui ont redonné la licence. Et c'est là qu'après, il a sorti la prélogie. Putain. Ouais, une histoire de gros sous, quoi. Mmh. Totalement. Avec Star Wars, malheureusement. Ouais. Maintenant, tonton Lucas pèse une très bonne retraite. Bon, il l'a bien mérité. Enfin, je sais pas s'il l'a mérité. Quoi, enfin, voilà, quoi. Il s'est fait 4 milliards, non, qu'elle l'a vendu à Disney. Ouais, c'est ça. La franchise. Ça va, c'est mais, quoi. Mais il a gardé les droits sur les jouets. Malin. Oui. Malin, Pépé. Et donc, du coup, c'est à toi, mon cher Phil. Et là, c'est la chronique mystère. Puisque ta chronique, c'est « Les joies du confinement, j'ai lu plein de bouquins ». Exactement, c'est ça. Je vais vous parler de tous les livres. Non. Pour ceux qui ont vu ma vidéo qui est sortie aujourd'hui, j'explique dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez-y tout de suite, quittez le live, allez vite la voir. J'explique dans les vidéos qu'en fait, je suis tombé malade et donc j'étais confiné dans mon bureau chez moi avec interdiction de sortir, de voir du monde. J'étais au rez-de-chaussée à côté du garage pendant que toute ma famille vivait à l'étage. Et je me suis mis en tête de relire absolument tous mes bouquins, plutôt que de faire, tu sais, comme sur Netflix, où tu te balades à travers les films en te disant qu'est-ce que je regarde, et en fait, tu regardes rien, tu fais que ton temps de balader. Là, j'ai dit, je vais partir de ma première étagère en haut à gauche et je vais tout lire. Et donc, j'ai lu, pour l'instant, j'ai lu qu'une étagère, ça va pas très vite en fait. Parce que je lis chaud. Je les lis vraiment calmement, proprement, quoi. Je me presse pas, je fais ça comme il faut. Ouais. Et je voulais juste faire un petit retour d'expérience en fait, parce que c'était pas mal. Je me suis rendu compte qu'il y avait des livres que j'avais achetés, comme par exemple sur la photo on voit les Rising Stars. J'avais acheté le 1 et le 2, et puis j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté le 3 et le 4. Je fais pas de pile en fait, moi je range directement. Et je me suis rendu compte que ces bouquins que j'ai achetés il y a 10 ou 15 ans, je sais pas, je les avais jamais lus en fait. Donc je les ai découverts. Il y a des livres que j'ai redécouvert, enfin redécouvert pas vraiment, mais par exemple les Walking Dead, je les ai relus, et la série télé est tellement mauvaise que j'avais oublié à quel point le comic c'était si bon. Franchement, je comprends que ce soit un classique et que ça fasse des ventes, parce que vraiment, c'est vraiment très très bon le Walking Dead de Kirkman. Et puis ça m'a permis de laisser une deuxième chance à certains bouquins sur lesquels j'étais trop hypé, puis après j'étais déçu, ou je m'attendais à autre chose, et donc j'étais déçu lors de ma lecture. Un truc tout bête, par exemple, les crossovers, c'est une espèce de gros délire avec une famille, ils ont chacun des pouvoirs, il y a la fille qui va dans une autre dimension et compagnie. Et en fait, c'est très sitcom, c'est vraiment très drôle, et je ne sais pas pourquoi, la première fois que je l'avais lu, j'étais extrêmement déçu, je m'attendais à quelque chose de, je sais pas, de plus classique, plus héroïque. Donc voilà, et puis j'ai relu, comme on voit sur la photo, j'ai relu aussi les Prométhées d'Alan Moore, et j'avais oublié que c'était une claque monumentale, c'est vraiment très très bon. Je sais pas si ces bouquins sont ressortis, si Urban les a ressortis. Je sais qu'ils ont ressorti Top 10, mais s'il y a Prométhée un jour, mais prenez-le, quoi, c'est excellent, c'est énorme. Donc voilà, en fait, j'avais rien à vous conseiller de particulier, c'était juste pour faire un retour d'expérience. Et puis je continue mes lectures, là j'ai commencé la deuxième rangée d'étagères, et j'en ai pour toute ma vie, je pense. Hein. J'en ai tellement aimé. Ouais, t'en as pour un moment, là. Ouais, donc voilà. Donc t'en es à... Ouais, c'est des Billy, un classique. Hein. Ouais, les grandes, là. Pas quand les, même, pas hein. Les tu ouais. Bouquines, parce qu'une étagère de Billy... Ouais, j'en ai pour un petit moment, là, je vais bientôt réattaquer parce que je l'ai déjà lu, mais Mutafukaz par exemple, je l'ai déjà lu une première fois, ben, je vais me le relire, tant pis. Donc voilà, je vais tout faire. Putain, je vais le dire avec mon accent magnifique. Rising Star, c'est de qui déjà? Parce que j'en ai entendu parler plein de fois. Et c'est vrai que Straczynski, ouais. Et je l'ai jamais lu. C'est spécial, ça part dans tous les sens. En fait, chaque tome est différent. Au début, c'est une espèce de whodunit. Et après, ça part sur des héros qui essayent de se racheter. C'est vraiment spécial. Chaque tome a son ambiance. C'est vraiment, on dirait qu'il ne savait pas où est-ce qu'il allait. C'est vraiment spécial, en fait. Et à la fin, ça fait un tout qui est cohérent. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il manque la fin. J'ai pas le dernier tome, certainement. Mais il y a une fin, on va dire. Enfin, en tout cas, moi, comme ça s'arrête, j'ai pas l'intention de chercher sur eBay la suite. Je vais m'arrêter là. D'accord. En fait, le Rising Star, il y a 3 tomes. En fait, 1, 2, 3, ça se tient en 3 tomes. Et là, il y a le tome 4 qui est sorti, il y a un tome 5 qui va sortir. C'est pas Straczynski qui est aux commandes, mais visiblement, elle avait donné des indications à celui qui a écrit le scénario. Et c'est des compléments, en fait, sur certains personnages de l'histoire. Mais l'histoire se tient vraiment au tome 1, 2, 3. Tu peux t'arrêter là si tu veux, t'es pas obligé d'aller au-delà. Là, c'est pour creuser, quoi. D'accord, ça marche. Juste, je réagis, mais très succinctement avant de te poser une question, Phil. Mais putain, les hashtags Deadpool, Vanesse, est-ce que tu peux aider j'ai pour la prononciation, Vanesse, pose ce fusil. Bande de connards, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je voulais te demander un truc, en tant que collectionneur, est-ce que tu es du genre à faire du tri régulier dans tes bibliothèques et à vendre les trucs que tu ne reliras jamais, ou est-ce que tu es plutôt du genre à accumuler? Alors là, justement, j'ai tout relu, là, cette étagère. J'ai mis des petites notes en face en me disant tout ce qui n'a pas la moyenne, je le fous, je le revendrai. Ouais. Et puis en fait, je ne peux pas. Même les trucs mauvais, je me suis dit, ah non, ça, j'ai quand même le garder parce que c'est Alan Moore. Donc, non, voilà. Ça, voilà. Jamais, ouais. Exactement, ouais, j'arrive pas à me débarrasser, mais bon, il faudra bien un jour ou l'autre. J'ai déjà fait une époque quand j'ai expliqué dans une vidéo, d'ailleurs, j'ai revendu par exemple mes premiers RCM. Quand j'ai racheté des versions un peu plus propres, un peu plus cartonnées, ouais. Des choses comme ça. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, franchement? Ouais, pour faire de la place, mais bon, ça serait dommage de se débarrasser d'un titre et puis d'avoir envie de le relire plus tard. Ah ouais, ça c'est clair. Moi, en fait, c'est souvent que je me retiens, tu vois, de vendre des trucs en me disant peut-être qu'il y aura quelqu'un dans ma famille, un de mes gamins, ou même plus tard, quand moi je serai plus là, qui pourrait avoir envie de le lire, et voilà, je sais pas. Mais honnêtement, j'y crois pas une seconde, mais c'est vraiment. Mais je pense que être collectionneur, c'est une maladie. Et, ouais. Et même les titres que j'aime pas, je sais que je vais pas les vendre parce que j'ai pas d'explication en fait. Alors que je sais très bien que mes gamins vont jamais les lire, que personne va venir me voir et dire tiens, tu peux me prêter ça. Ça arrive très rarement. Ouais, mais tu donnes pas ton adresse aussi, donc à un moment donné, voilà quoi, on s'arrangera en MP. Donc, non mais voilà, mais c'est une belle, c'est une belle occupation pendant le confinement, et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont défoncé leur pal. Hein. Nous, on s'est fait défoncer nos geekeries, hein, que ce soit clair. Là, on arrive au 8e round, on sait plus de quoi vous parler. Hein. Là, c'est les fonds de tiroir, ma gueule. Là, on a tout dit, on est rincé, on va prendre quelques jours de repos et voilà, se remettre à lire comme il faut, à regarder des trucs pour repartir du bon pied. Mais là, ouais, la vache, putain, hein, on a bien épuisé le stock de Geekery quand même. Hein. Mais il m'en reste quand même une petite. Ah oui, oh, une jolie. Okay. Quelle transition! Oui, merci. Bah, tu sais, il y a un peu un an d'expérience maintenant, donc ça reste. Ah, ça se sent, ça se sent. Eh oui, mais c'est monté avec pas grand chose, mais au final, on commence un petit peu à toucher sa bille, t'as vu? On se fait des compliments soi-même parce qu'on en a pas souvent. Donc, moi, je vais vous parler de Canon, un bouquin de Comics Initiative qui a été en financement participatif, si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises puisque j'ai participé. Et c'est de Wallace Wood, qui est autrement connu sous le nom de Hollywood. Voilà, c'est un monsieur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans l'industrie des comics, qui n'est pas forcément le plus connu. Je ne le connaissais pas avant cela, il faut être tout à fait franc. Mais il a énormément œuvré comme dessinateur, encreur, scénariste, éditeur, et il a surtout énormément influencé toute une génération. Il est mort en 81 à l'âge de 54 ans, si je dis pas de bêtises, il s'est suicidé. Et voilà. Et c'est vraiment quelqu'un qui, a priori, si j'en crois ce bouquin, a eu une énorme influence, donc sur toute une génération. Il faut, dans ce livre, distinguer deux choses. Ce que je vais vous en dire, qui n'est jamais que mon avis personnel sur l'œuvre, et tout le travail éditorial qu'il peut y avoir autour, qui est véritablement de grande qualité, puisque dans ce livre, vous allez avoir donc l'histoire de Canon. Canon, qui est une espèce d'agent secret américain ultra badass. C'est un petit peu le fils à Rambo et à Xena la guerrière. Enfin voilà quoi. Il en a une paire, mon pote, dans le pantalon qui est assez énorme. Voilà, c'est dans les années 70, c'est un espion, et voilà. Et donc, cette bande dessinée, ce comics, était destiné aux jeunes soldats américains, donc dans les années 70. Donc, je te laisse un petit peu imaginer le niveau du truc, voilà. C'est-à-dire qu'il faut que ça parle à des jeunes américains qui sont loin de tout, dans une caserne enfermée entre eux. Donc du coup, on va dire que les thèmes principaux de Canon, c'est du cul, très très important, on va avoir beaucoup de cul quand même dans Canon, on va avoir des nichons, parce qu'on peut pas avoir que des culs quand même à un moment donné, l'agent secret, il va se battre contre les ennemis des USA, alors là on va faire le plus classique possible, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir du chinois communiste, de la Madame Toy, enfin voilà, il nous faut des imitations de cubains. Alors là, on a vraiment du Che Guevara, du Fidel Castro, enfin ça ressemble énormément à ça, c'est tout à base de caramba, enfin voilà, c'est vraiment des gros clichés, des Russes en costume et des nazis avec des petites moustaches à la Adolf Hitler. On est vraiment dans du très très gros cliché. Évidemment, vu que c'est pour des jeunes, il faut de l'action, hein, de la bagarre, voilà, des coups de feu, ce genre de choses, et il faut du cul. Et là, vous êtes en train de vous dire, tu as dit deux fois le mot cul, oui, parce que c'est, il y en aura beaucoup du cul, hein, faut pas se mentir, voilà, hein, première page, deuxième case, paf, une paire de nichons, hein. C'est les années 70, c'est pour des jeunes américains qui sont en caserne, les femmes sont peu vêtues. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'histoire ? Je n'ai jamais rien lu de plus what the fuck que ça. Mais c'est totalement dingue. Alors, je ne l'ai pas terminé. Hein. Je ne l'ai pas terminé parce que, déjà, faut reconnaître que tu as quelques haut-le-cœur. Hein. Alors, je ne suis pas le plus grand des féministes. Ça ne fait pas de moi un bourrin et un beauf. Hein. Tu vois, je suis lambda, l'égalité des femmes, tout ça. Basique, tu vois, basique. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'extrême. Mais alors, en toute sincérité, là, moi, enfin non, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Mais je vais vous expliquer un petit peu quelques petites scènes pour que ça puisse vous donner, on va dire une idée. Dès le premier chapitre, Canon va devoir aller libérer un général, un colonel américain qui a été fait prisonnier avec sa femme pour lui soutirer des secrets. Donc évidemment, pour soutirer des secrets au colonel américain, bon, déjà, on va commencer par foutre sa femme à poil. Hein. C'est important qu'elle soit à poil pour le reste de l'histoire. Et on va un petit peu torturer sa femme. Mais Canon va arriver. Donc évidemment, il va dérouiller tout le monde. Il va libérer l'homme et la femme. Et il va dire, allez, on s'en va. La femme va dire, attendez, Canon, il faut que je me rhabille. On n'a pas le temps, Chantal. On n'a pas le temps. Tu vas passer le reste de l'histoire à poil s'il faut, mais on n'a pas le temps de te voir te rhabiller. Et donc, eh ben, elle va passer le reste de l'histoire à poil. Et à un moment donné, dans les couloirs, ils vont croiser deux gardes. Deux gardes à la mine patibulaire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour détourner l'attention des gardes? Ils vont jeter la gonzesse dans les pattes des gardes, mais comme une croquette de frolic au milieu de deux bergers allemands. Hein. Bon, ils te la jettent à poil. Allez, hein, occupez-vous de ça. Ils détournent l'attention, ils réussissent à se sauver. Enfin, voilà. Et ce n'est que ça. C'est-à-dire que si tu vois le film OSS 117, c'est que du what the fuck, mais c'est fait exprès. Tu vois, c'est vraiment pour déconner. Là, c'est pas pour déconner, quoi. Enfin, ça raconte vraiment ça. Et c'est vraiment normal. C'est plus qu'intéressant. Il y a une scène que j'ai trouvée totalement fantastique. À un moment donné, il y a Canon, il y a des agents infiltrés sur le sol américain qui essayent de le buter. Et il réussit à s'en sortir, à s'échapper, mais il doit se cacher. Donc, me demandez pas comment, mais il est encore avec une meuf qui est à poil. Voilà, Vous ne verrez quasiment pas de femme habillée. Il y a une meuf, paf, elle a poil. C'est comme ça. Et dans cette scène-là, donc lui, il est en train de pêcher un poisson pour le petit déjeuner, pendant qu'elle, elle est en train de cuire une espèce de poule qu'il aura déjà chassée pour le dîner du soir. Enfin, c'est totalement what the fuck. Il doit changer de gueule pour pouvoir se fondre dans la masse. Normal, il va sortir un couteau, il va se balafrer la joue, mais c'est pas genre 2 cm. S'il se fait une balafre, il s'en taille la gueule. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Déjà, ça, c'est hallucinant. De la case d'après, il tend un gros gourdin à la gonzesse, casse-moi le nez. Comme ça, voilà, moi, je serais complètement défiguré. Et pas, elle lui pète le nez. Et après, rase-moi la tête. Ah, c'est sûr que là, il ressemble plus à Canon, hein, on est bien d'accord. Et c'est que des trucs comme ça. C'est tout le temps des trucs comme ça. Et à un moment donné, il va se battre avec la grande ennemie, Madame Toy, qui elle aussi est à poil. Elle entend du bruit dans la forêt, c'est Canon qui est en train d'arriver vers elle. Elle dit, ah là, il faut que je me rhabille. Elle a le temps d'enfiler ses bottes. Tu vois, parce que quand tu t'habilles, tu commences par tes bottes. Hein, c'est, voilà. Et donc, bon, bah, elle est à poil, mais elle est en bottes. Bon, après, il la nique hein, quand même, parce que faut quand même qu'il nique aussi un peu, Canon. Et voilà. Et donc, c'est tout ça, cette histoire. Alors, comment vous dire ? Donc, à partir de là, il faut dissocier deux choses. Ce que je trouve intéressant, c'est sur un point de vue, on va dire, historique. C'est que ça permet déjà bah, de rencontrer un petit peu Hollywood en tant que dessinateur voilà, pur et dur. Il faut reconnaître qu'il a un trait qui est absolument magnifique, au-delà de l'histoire que je trouve débile au possible. Mais voilà, le trait est absolument magnifique. Et en même temps, l'histoire, c'est assez symptomatique de l'époque dans laquelle on est et du public vers lequel cette histoire est adressée. On est vraiment, vraiment sur des choses qui sont vraiment bas du front, mais c'est vraiment, vraiment fait pour un public particulier. Et ça laisse quand même vraiment présager de la manière dont on éduque, dont on voit les militaires américains. Enfin, tout ça, c'est vraiment intéressant. Le truc que j'ai trouvé le plus intéressant, finalement, dans ce bouquin, et je vous dis, je ne l'ai pas encore terminé, c'est tout ce qui... C'est les petits interludes. Il y a tout un tas de gens qui expliquent un petit peu qui est Hollywood et son importance dans le milieu des comics. Et ça, pour moi, c'est la meilleure partie du bouquin. Vraiment. Parce que, bon, l'histoire en elle-même de Canon, honnêtement, c'est un goût perso, mais je la trouve claquée au sol. Je peux recontextualiser tout ce que tu veux. À un moment donné, c'est tellement what the fuck, ça m'a perdu. Et pourtant, je suis le genre de garçon qui aime beaucoup les vieux récits, justement, parce que ça met le doigt sur une époque particulière. Mais là, non, c'est trop. J'ai rien contre les nichons, mais à un moment donné... Faut arrêter de déconner, quoi. Enfin, c'est tellement perdu et perché que c'est vraiment abusé. Mais en revanche, je pense que c'est un bouquin qui a le mérite au moins d'exister. Je ne le conseillerais vraiment pas à grand monde, simplement aux gens qui auraient envie d'en connaître un petit peu plus sur Wallace Wood, parce que c'est quand même 40€, hein, la bête. Hein. Donc faut vraiment avoir envie de connaître Wallace Wood. Hein. Sinon, vraiment, non, mettez votre argent ailleurs. Vraiment pour les gens qui ont une passion pour l'histoire des comics, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à en retirer, sincèrement. C'est un bouquin au moins à lire une fois, mais sinon, passez votre chemin, sincèrement. Si c'est juste pour l'histoire, je vous le déconseille fortement. Je sais pas si vous l'avez vu, du coup. Non, je crois pas. Hein. Non, pas du tout, non. Mais il y avait une raison, enfin, il y a quelque chose qui faisait qu'il y avait besoin d'une réédition absolument, à part l'auteur. Est-ce qu'il n'a pas fait d'autres choses plus intéressantes, franchement ? Qu'est-ce qui a motivé la sortie du bouquin, tu sais ou pas du tout ? J'en ai pas la moindre idée. À mon avis, c'est que déjà, il faut choper les droits, et que c'est pas forcément Comics Initiative qui va pouvoir choper les droits de tout ce que fait Wallace Wood, sincèrement. Et après, voilà. Le dessin, il est vraiment, vraiment magnifique. Mais là, franchement, ouais, non. Si c'était juste pour parler de Wallace Wood, je pense qu'il fallait peut-être trouver un autre moyen. Un artbook, un livre, ouais, un peu d'histoire, ce genre de choses. Parce que si vraiment vous partez là-dessus juste pour l'histoire de Canon, feuilletez-le avant de l'acheter. Hein. Ouah, la vache. Bah, il a sorti pour surfer sur l'expo d'Angoulême, je pense. Je sais pas du tout. D'accord. Parce qu'il y avait une expo Angoulême Wallace Wood cette année, pendant au Angoulême 2020. Ouais. Donc je me dis, il avait peut-être, c'était peut-être pour surfer là-dessus, je sais pas. C'est une hypothèse, hein, c'est une supposition. Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais voilà, après, vraiment, le point positif, c'est que le travail éditorial, par contre, il est vraiment, vraiment soigné et vous apprenez quand même plein de choses sur ce personnage par le biais de tout un tas de témoignages. Voilà. Mais après, oh, mon Dieu, ouais, c'est quand même très, très compliqué à lire, quoi. Et juste au passage, je signale qu'il y a la campagne Ulule de Foxboy qui est sortie pour le tome 2 et donc pour le tome 3. Voilà, je vais pas spécialement m'étendre là-dessus, mais je suis pas fan des contreparties qui sont proposées pour le tome 2 et pour le tome 3, de la construction un petit peu de ces projets Ulule. Alors j'ai très très envie de lire les tomes 2 et 3 de Foxboy, comme j'ai pu le dire, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des choses qui nous plaisent un petit peu moins. Et là, les paliers Ulule, il y a pas mal de petits trucs qui m'embêtent, mais bon, voilà. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore participé. J'attends de voir si mon libraire va les acheter, parce que tant qu'à faire, pour le coup, bah, je passerai par mon libraire si jamais il se les procure. Je préférerais. J'ai vu qu'il y avait des Wallywood à Débuler des Hommes. Je me dis que Fosboy, ça se tente à Débuler des Hommes, Saint-Étienne. Je pense que ça peut trouver son public. Mais quel Voilà. cours sera introuvable? Parce que finalement, c'est que de la réédition. Alors, c'est de la réédition, mais qui sera un petit peu. Augmenter. Réagrémenter tout ça, ouais. Ouais, voilà. Mais. Il a marqué sur son Facebook. C'est des Et votre trucs comme travail ça n'est que je pas. trouve bizarres. C'est-à-dire que c'était déjà un petit peu annoncé que les pages seraient retravaillées, mais ça fait partie en fait d'un palier Ulule. Il y a des paliers Ulule où on débloque en fait des pages supplémentaires, mais simplement pour les éditions de luxe. Ça m'embête beaucoup. Parce qu'il y a deux, en gros, il y a deux formats, on va dire, principaux. Il y a le classique et il y a le deluxe. Le deluxe, c'est une couverture particulière. Et voilà. Et ce que moi, ça, c'est un petit truc qui m'embête. C'est-à-dire que quand on fait un projet Ulule, c'est un financement participatif, mais collectif. Et débloquer des paliers que pour ceux qui ont les moyens de se payer des deluxe, ça me fait salement chier. Tu vois? Parce que je préférerais vraiment que les contreparties soient équitablement réparties entre tous les contributeurs, et peu importe la taille de leur porte-monnaie. Et voilà, ça m'embête beaucoup. C'est-à-dire que il y a 2 fois 8 pages à décrocher, qui ont déjà été décrochées, mais qui ne seront simplement que dans les Deluxe. Et ça, moi, je trouve pas ça cool du tout. Du tout, du tout. Et sinon, je crois qu'il y a une trading card à gagner, une carte postale. Donc. Ouais, moyen. Voilà. Mais Et je. Dragnir répond que en fait Michael, le patron de Comics Initiative, est fan de l'époque et de l'OVNI qui est canon en fait. D'où le choix. D'accord. Ah, mais c'est tout à fait. Alors, déjà, coucou Dragnir, et c'est tout à fait respectable comme choix. Hein. Après, c'est jamais que mon avis personnel, et encore une fois, je pense que c'est. Tu vois, je pense à des gens comme Sonia de Comics Have the Power. Ben, voilà. Alors, je ne suis pas du tout certain que l'histoire puisse lui plaire, mais le contexte historique, pour ceux qui sont fans de ça, il y a vraiment des choses à retirer de cette histoire. Par contre, voilà, c'est à peu près tout ça, à mon sens, qu'il y aura à retirer en termes scénaristiques. C'est vraiment, vraiment bas du front. Voilà, c'est à peu près terminé. On va pouvoir passer au concours, je crois. Eh oui, Et si je ne dis Vincent. pas de bêtises, On mon touchera cher de Mout. Mammouth. Donc, Ah, du bah. coup, on a fait un petit concours. Là, on passe au concours, je vois, bah, tu me dis. En lien Ouais, avec dès que tu me dis. Excalibur Comics. Alors, juste avant de faire un petit tirage au sort, on a choisi Excalibur Comics comme partenaire pour ce concours. C'est pas un hasard. Déjà parce qu'on a eu l'occasion de faire déjà des trucs avec lui. J'avais fait gagner un White Knight à l'époque. Et voilà, on est dans une période où, vous le savez, les libraires sont en difficulté. Excalibur Comics n'a pas de boutique physique. Ils ne vivent que grâce à leurs envois. Et ça nous semble important, bah déjà, de vous remercier pour votre fidélité pendant un an, de vous faire gagner cette intégrale d'Invincible que beaucoup de gens attendaient. Et modestement, à notre niveau, qui est rikiki, hein, on en a bien conscience, mais qui a le mérite au moins d'être sincère, de mettre en avant. Fred, enfin Excalibur Comics, voilà, qui est vraiment un libraire de qualité et un patron absolument sympathique, Vraiment incroyable, si je peux vous en donner à mon avis une preuve. Hier, donc, il y avait le live de Jules et Nico où il y avait tout un tas de libraires qui venaient parler et présenter un petit peu leur boutique. Et il y a Kader de Comic Zone qui est venu, et plutôt que de parler de sa boutique, il a parlé d'Excalibur Comics en disant « Essayez de soutenir Excalibur Comics, c'est vraiment quelqu'un de bien. » Et quand vous avez un autre libraire qui conseille un autre libraire... Ça, voilà, ça vous laisse supposer qu'Excalibur Comics, c'est vraiment des gens bien. Donc, n'hésitez pas, même si évidemment préférez la petite librairie qui est à côté de chez vous, si vous avez une petite commande à passer pour faire vivre et permettre à cette boutique de continuer à nous faire rêver, eh ben, ce serait vraiment sympa de passer une petite commande vers eux. Et on va passer au tirage au sort, Dramout. Les boules sont entre tes mains. Je répète, les boules sont entre tes mains. J'ai fait le tirage au sort pendant que tu parlais. Oui. Et donc le gagnant. C'est Rétrophile, bravo. Et c'est bravo Rétrophile. Mais bon, ça c'est une fois qu'il a pas participé. Non. Du coup, le gagnant, il me semble l'avoir vu passer dans le chat tout à l'heure. Je suis pas sûr. C'est Secteur 2814. Oh, donc, voilà. Et ben bravo. Et donc, bravo à lui. Donc du coup, Secteur 2814, t'as gagné et t'envoies tes coordonnées. Comment dire? Bah, de toute façon, bah, tu t'arranges avec G. Voilà. Et le livre sort le 1er juillet. Il sort le 1er juillet, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le rappeler. Donc, c'est pas tout de suite. Mais voilà, tu contactes bah, G ou maintenant, enfin, ou les comptes, la rubrique Geek sur Twitter ou Instagram. Mais les comptes, puis, la rubrique voilà, Geek, laissez-moi tranquille. je n'ai rien à voir avec cette histoire. Mais en tout cas, félicitations. Je sais pas s'il est encore sur le chat ou s'il est pas. Il me semble l'avoir vu au début, mais je sais pas s'il est encore. Au début, donc ouais. Sinon, faudra quand même le contacter du coup sur Twitter. S'il est parti, on peut éventuellement faire gagner quelqu'un d'autre du coup. Ah bah oui, tant pis. Ah merde, il est revenu. Bon bah t'as gagné alors. Il est là, il vient d'arriver. Eh ben, félicitations. Et n'hésitez pas, une petite commande à Excalibur Comics, hein, ça fait plaisir et ça permet de vivre. Donc, n'hésitez pas. On va pouvoir continuer, du coup. Ok, ben, on fait un deuxième tirage. Alors, du coup, le deuxième tirage, qui c'est qui va gagner? Vas-y, démerde-toi, je te regarde. Vas-y, improvise. De toute façon, déjà, quand tu fais un tirage, tu as 95% de chance que ce soit le kit qui gagne. Donc, du coup... C'est vrai, c'est souvent... Voilà. Moi, j'aimerais juste raconter une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est un fait. C'est que depuis que je suis notre petit kitounet sur les réseaux sociaux, le mec gagne mais 50 000 concours, c'est affolant, c'est fou. On en déconne entre nous, mais tu ne peux pas dire le contraire, mon petit kit. Non, je peux pas dire le contraire, non. Bon, par contre, je gagne pas au loto, c'est ça qui me... Ouais, bah tu vas peut-être en laisser un peu pour les autres à un moment donné. Dès que c'est pas un algorithme qui prend en fonction de la lettre de l'alphabet, là voilà, ça marche plus. Quoi. Enfin. Et donc, du coup, on va passer à ta geekerie. Ouais, je vais vous parler de la série télé Afterlife, série diffusée sur Netflix. La première saison était sortie l'année dernière, la deuxième saison vient de sortir il y a 2 semaines. Et série créée par quelqu'un que j'apprécie particulièrement, qui est Monsieur Ricky Gervais. Alors Ricky Gervais, il a fait énormément de boulot, il a fait beaucoup de films, beaucoup de séries, des one-man shows. C'est le présentateur du coup des trois dernières séries live des Golden Globes, il me semble, ou des Grammys. Ou des amis, je ne sais plus, l'un des deux. Et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail parce que c'est quelqu'un qui est très humour grinçant, qui est très provocateur, qui rentre un peu dans l'art. J'aime beaucoup ce côté-là. Moi, je vous invite vraiment à regarder du coup, ces dernières cérémonies et les discours qu'il fait, les tacles qu'il fait envers certaines célébrités et certaines stars. Moi, j'adore ça. Beaucoup de gens... Qui ne sont pas adeptes de l'humour noir, ils vont pas prendre autant de plaisir. Mais voilà, donc c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le boulot. Pour les gens, je pense qu'ils doivent qui connaissent, c'est donc du coup c'est le mec qui a créé la série The Office notamment. Et il est revenu du coup l'année dernière avec une série qui s'appelle Afterlife sur Netflix, qui est une série où on suit en fait un journaliste Tony dont la femme est morte d'un cancer. Et comme il est complètement en dépression, il pense au suicide, au lieu un peu au lieu de se tuer, il décide plutôt en fait d'emmerder les gens. Et il est passé en mode je dis tout ce qui me passe par la tête et je fais ce que je veux. Et c'est devenu un peu un gros con, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a un peu un discours qui est, comme il est en dépression, il ne faut pas forcément qu'on lui rentre dedans parce que c'est la tristesse, etc. Et en même temps, lui, il pousse le bouchon de plus en plus loin. Et c'est une série qui est vraiment, qui est vraiment très poussée dans l'écriture de Ricky Gervais, qui est très poussée dans l'humour noir, dans l'humour grinçant, avec beaucoup de discours sociétal derrière. Et d'après tout un aspect autour de la dépression, autour du deuil, autour de la maladie. Mais voilà quoi. J'adore l'écriture de Ricky Gervais. J'adore sa façon de construire ses séries. Moi, c'est une série qui m'a particulièrement touché. Et une des séries qu'il avait faites qui s'appelle Derek est l'une des séries qui m'a peut-être le plus serré le cœur dans tout ce que j'ai pu voir comme série. Et là, il y avait des petits épisodes qui me prenaient un peu aux tripes parce qu'on se prend d'affection pour ce mec qui est un peu qui est un pur connard, qui est un pur enfoiré. Mais on se prend de compassion pour lui, on se prend d'affection et je trouve que c'est bien écrit, bien joué. C'est assez percutant. Voilà quoi. C'est pas je décrirais pas ça comme la série du siècle. C'est pas une série qui révolutionne le genre, hein. Ça reste un peu une série tranche de vie, mais moi je me suis bien retrouvé dedans, j'ai été complètement happé. Ça dure, chaque saison c'est 6 épisodes, ça passe tout seul, donc voilà quoi. Eh bien merci. Et qui a vu Afterlife? Allez-y, dites-moi qu'il y a quelqu'un qui a vu Afterlife. Non, du tout. Je connais Ricky Gervais, mais non, je sais pas. Moi je connais les petits Gervais. Moi je connais Ricky la belle vie. Qui a Belvior, oh. Qui... Oh, vieille référence, hein. Ah, petits, on est reparti 25 ans en arrière. Il n'y a que les plus vieux et les plus assidus qui ont pu comprendre Ricky la belle vie. Bref, et Phil non plus, hein, du coup, je crois pas, hein, Afterlife. Hein. Non, non, je l'ai pas vu, mais j'aime beaucoup Ricky Gervais, donc je vais peut-être m'y pencher. Et ben voilà, hein. Voilà. Ça va, vous, sinon? Tranquille. Passez une bonne soirée. Bon, du coup, Dramoun, si t'as fini. T'as fini? Ouais, c'est bon. Bon, merci. Merci. Et du coup, JC, on va pouvoir passer à ta geekerie. Yes. Et là, on va remonter dans le temps. Ouais. Pareil, on va remonter à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait ce bon vieux Charles. Alors, au casting. Voilà. On a qui? On a du Archie Goodwin, du Carmine Infantino, du Roger Stern, du Sal Buscema et du Jean-Yves Mitton. C'est pas mal, c'est des bons petits noms, ça. Donc du coup, quand tu m'as invité, Jay, tu avais une proposition, c'était de me ramener à nos années 80 et à mon premier... la première fois, donc on va encore rester dans le May the Force Be With You. On va rester dans le May the Force Be With You, hein, donc c'est encore du Star Wars. Je suis désolé pour nos auditeurs. Hein. Tu fais que des heureux là. J'étais certain que tu ferais que des heureux. Non, il n'y a pas que de Star Wars, parce que du coup, c'était. Tu me ramènes donc au Titan numéro 43 de août 1982. Hein, que moi j'ai lu bien après, parce qu'en août 82, si tu veux, je marchais pas encore. Hein. c'était un titan de Désillusion Hugues, hein, comme vous voyez en miniature sur la vidéo YouTube, que j'ai eu moi par le biais de mes grands-parents en Bretagne. À chaque fois que j'allais chez eux en vacances en famille, je lisais la pile de Lugues qui nous avait offert avec mon frangin, et du coup celui-ci je l'ai feuilleté avant de savoir lire, quoi. Je l'ai dévoré à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents les cases, je les regardais, je savais pas lire, quoi. J'étais là, j'étais, oh là là, c'est génial. J'ai découvert Hulk en comics dans ce titan-là, parce que Hulk, moi, je l'ai connu d'abord par le biais de la série, la vieille série avec Bill Bixby et Lou Ferrigno qui campaient donc Bruce Banner et Hulk. Et du coup, là, je suis tombé dessus gamin, et c'était génial parce qu'en plus, il y avait du Star Wars que je venais de découvrir quand je l'avais enregistré sur une vieille cassette avec mon frangin. Donc c'était à l'époque hein, où le jingle bub ça faisait ah tout tout tout tout. Tu te rappelles Phil, tu te rappelles le G hein, complètement c'est ouais. Sur un... Feu Antenne 2 hein, tu te rappelles avec la pomme. Donc, voilà. Ouais tout à fait la pomme ouais. Donc c'était à cette époque là donc moi j'avais tu dis j'avais pas l'âge de lire, j'avais 4 ans et demi 5 ans quand j'ai dû voir Star Wars en vidéo cassette quand mes parents et mon frangin l'avaient enregistré. Voilà. Et à l'issue en vacances chez mes grands-parents, paf, je tombe sur ça. Ah, c'est comme dans le film, tu vois la couverture, j'étais comme un fou. Et du coup, je tombe là-dessus, c'était génial, quoi. Les noms, je les connaissais pas, moi, Archie Goodwin et Carmine Infantino, à l'époque, tu me disais ça. Voilà, mais du coup, c'est des noms que j'ai appris à connaître après. Mais c'était génial, donc du coup, c'était. Bon, et puis, c'est totalement décalé, parce que là, ce numéro-là de Star Wars qui figure dedans. A été écrit, enfin est sorti en comics juste avant l'Empire Contre-Attaque, le film, donc en 1980. C'est sorti la même année, sauf que dans l'Empire Contre-Attaque, on apprend que Luke affronte Dark Vador pour la première fois. Il l'a jamais vraiment. Il sait que c'est une menace, il l'a vu de loin dans l'épisode 4, mais il l'a jamais affronté réellement. Donc il l'affronte dans. Et du coup, dans ce comics-là, bah, ça contredit tout, vu que c'est sorti avant, ça contredit le film, puisque. Luke se retrouve en mission diplomatique dans sur une espèce de planète monastère avec un espèce d'ordre sectaire. Et bim, manque de bol, il y a Dark Vador qui s'y retrouve, donc tu as un affrontement entre les deux qui sont pas censés. Voilà, donc tu dis ça, tu dis ça avant de voir le film Empire Contre-Attaque, c'est génial quoi. T'es comme un fou quand t'es gamin. Mais il n'y a pas que du Star Wars. Alors du coup, comme je disais, pour faire plaisir à Jay, en plus il y a du Hulk, hein, du Hulk qui au final c'est pas un épisode de Hulk, c'est un épisode de Machine Man, ouais. où Machine Man s'associe bon gré mal gré avec Hulk pour contrecarrer les plans d'un mafieux. Bon bah Hulk il se laisse pas faire. Au départ, il fout une grosse trempe à Machine Man parce que lui il veut casser la tronche au mafieux tout seul quoi. Et non c'est t'as des planches je t'avais envoyé une photo je crois de Jed d'une planche là où on voit Machine Man qui lit les pensées de Hulk, donc il voit sa transformation quand il se fait traquer par l'armée, ses combats, ses galères et tout ça. Ça quand j'ai vu ça gamin, mais ça m'a waouh, j'étais vraiment sur le cul, je trouvais ça vraiment magnifique. C'était vraiment génial. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, je reprenais la pile de Titan, de Spidey, de Strange. Je me retapais tout le temps les mêmes histoires, mais j'adorais, c'était génial. Et tu as du Micros de Jean-Yves Mitton aussi. Et ouais, putain, c'était bien ça aussi. Hein, c'était bien. Et moi, à l'époque, je savais même pas que c'était un truc français, ça. Je crois mais que moi c'était, non plus. Bah, pareil. Je crois que c'était un. Quand j'étais gamin, je croyais que c'était un super-héros américain. Ça se passait aux États-Unis. Donc, bah ouais. Forcément, c'était un. Voilà. Donc ça c'était génial aussi. Tu voyais pas de différence dans les dessins de Jean-Yves Mitton avec ce que je lisais de Sal Buscema sur Hulk et Machine Man. Pour moi, tu vois, c'était ouais, ça collait bien. Dessins, ça collait parfaitement bien quoi. Et j'adorais celui avec la grosse pince là, qui avait une tête de footballeur ouais, américain. Crab. Ouais. Alors c'est Big Crab, C-R-A 2-B, Big Crab. Ouais ouais. Il y avait vraiment un look. Ouais, avec sa grosse pince et puis son drapeau américain sur tout le corps là, c'était vraiment chouette. Et puis du coup tu finissais, t'avais la petite Dazzler des X-Men, voilà, la petite Dazzler des X-Men, petit fantasme de gamin, tu vois. Elle avait une petite aventure en solo, la petite Dazzler. Elle côtoie dans cet épisode là Quasar et puis le méchant Klaue. Ouais, Ulysse Klaue, ouais. Qu'on a vu Hein. Voilà, donc ça paye pas de mine. Bon, ça sert un peu à rien comme épisode, hein, c'est pas terrible, mais c'est bien dessiné. Et puis bah, la petite Dazzler en petit roller avec son petit sac à main et sa petite tenue impeccable. C'était vraiment. Tu t'es bien rattrapé, hein, sa petite tenue impeccable. Magnifique rattrapage. Et comme tout est titan, t'es strange, t'es machin, mais t'avais des trucs culturels à la fin. T'avais là, tu vois, tu avais un cours sur le cosmos, évolution stellaire. Tu avais des petits jeux. T'avais des documentaires. Les fourmis sauveront les forêts. T'avais un truc sur écologique aussi sur les fourmis, tu vois, à la fin. Et le courrier des lecteurs, ben, forcément à la fin. Non, c'était vraiment. Moi, qu'est-ce que j'ai passé du temps à lire et relire. Au départ, pas lire, parce que je savais pas lire, mais à feuilleter, puis après à lire ces bouquins, et surtout celui-ci, ça m'est resté en tête. Donc, du coup, je les ai jamais retrouvés chez mes grands-parents. Et là, je suis allé à Paris l'automne dernier. J'ai fait les boutiques albums Pulps et Pulps sur Paname. Et celui-là, je l'ai trouvé. Donc, c'était mon Titan 43. Je l'ai retrouvé en super bon état, emballé dans une petite pochette là. Et ben, je me suis fait plaisir, je l'ai pris parce que j'ai dit, je crois que je le retrouverai jamais chez mes grands-parents. Et voilà, donc c'était ma petite geekerie du soir qui me fait bien plaisir d'avoir retrouvé. Et je pense, comme vous les gars, ça doit toujours faire plaisir de retrouver des vieux comics qu'on a dévorés ou passé du temps dessus. Voilà. Je souhaite à tout le monde un jour de pouvoir éventuellement retrouver si éventuellement ils ont perdu ou partagé. Un comics qu'on a adoré ou qu'on a usé. Et ça, c'est vraiment ma petite Madeleine de Proust. Je suis bien content. Voilà. J'espère qu'il en est de même pour chacun lecteur, pour tous les lecteurs qui nous regardent et qui nous écoutent, d'avoir une lecture qu'on apprécie, qu'on est toujours content de relire avec passion. Voilà. Et toi, Phil, dans les vieux livres. Écoute, comme je ça... ne connaissais pas. Ça a l'air bien. Non, je oui, devrais en faire des vidéos d'ailleurs. Ouais, mais il y a tellement à dire sur Titan, surtout qu'il y a beaucoup de gens, quand tu leur parles de Lug, ils te sortent Strange, et moi j'ai fait partie des gens qui ont commencé avec Titan. Donc Titan, ça a une petite place une place particulière dans mon cœur en plus. Donc voilà, et puis Micros ou effectivement Epsilon aussi pareil. Ce qui a suivi, c'était la suite de Micros. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas envie de rencontrer Jean-Yves Mitton. Tu vois, j'aurais pu le croiser des fois en convention, mais j'ai pas envie de le croiser parce que Epsilon. Enfin, je sais pas comment vous dites, vous, peut-être Epsilon. Moi, je dis Epsilon. Moi, je ferme ma gueule maintenant. Tu vois, vaut mieux. Non, mais c'est un personnage. C'est l'histoire d'un jeune qui se rebelle un peu contre son père. Et c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué. Ça m'embêterait de rencontrer Mitton et qu'il me dise ah ouais, je faisais ça, oui. Pour nourrir la famille, tu vois. Non, mec, c'est une œuvre qui m'a marqué. Faut que tu vois que tu aies souffert, que tu aies aimé la faire, que ce soit dans tes tripes et tout. Donc voilà, non, c'est vraiment toute une période charnière de ma vie qui a eu beaucoup d'influence aussi. Hein. Et oui, moi, c'était un des vieux trucs que j'avais qui traînait tout le temps. Moi, c'était un Spy Day. Et à l'intérieur, il y avait quelques pages. Donc c'était les X-Men et il y avait quelques pages à propos qui expliquaient les pouvoirs de Iceberg et tout ce qu'il pouvait faire. Voilà, tout le monde s'en branle, mais je trouvais ça génial. Non, bah, c'est pas idée aussi. C'est des chouettes petits bouquins, ça. Et tu vois, tu le voyais, il disait qu'il pouvait se mettre des glaçons dans son verre. Bah tu vois, tout... Ça fait peur. Ouais, trop mais... Cool. Non, mais c'est que dalle. Mais gros, t'as 5-6 ans, tu vois ça. Tu te dis, putain, mais c'est un truc de dingue. Et c'était les tout premiers comics que j'ai pu avoir, bah, ils faisaient partie de cela. Et c'était l'ouverture vers un monde de malade. Et après, on jouait à ça des fois avec mon frère. Mon frère, il voulait tout le temps être Colossus, cet enfoiré. Peut-être pour ça, du coup, qu'après, que j'ai aimé Hulk. Putain. Bref, ça se trouve, il m'écoute, là. Enfoiré, Sylvain. Mon frère, tu voulais tout le temps être Colossus. Alors qu'il était très bien, ce russe. Bref, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et vous, messieurs, merci. Un vieux comics, un vieux truc à nous faire partager ? Une vieille lecture ? Ah, je vous prends à l'improviste, là. Ça fait moins les malins d'un coup. Hein. Allez, qu'est-ce que tu appelles vieux ? Moi. Voilà. Non, mais une lecture de quand on était gamin. une BD, un truc, tu vois, que tu possèdes et que tu chéris et qui sent ça. Ça sent bon ton enfance. Un peu, tu vois, ce que partage avec nous dans ses émissions Amazing Geek, Bob Zombie. Tu vois, là en ce moment, il nous fait toute une série de vidéos sur j'ai relu tel spécial Strange, tout ça. C'est génial. C'est génial. C'est des petits morceaux de notre enfance. Je lisais pas les Strange. J'ai commencé plus tard. Ouais, t'as une vie de merde, quoi. Donc. Mais je t'emmerde. Eh bah, tu sais quoi, tu vas garder la parole et puis on va passer à ta geekerie du coup. Alors ? Ouais, Lady Killer, donc, publié chez Glénat Comics en 2 tomes. D'ailleurs, on a appris, donc, c'est réalisé par Joel Jones et Jamie S. Rich. D'ailleurs, on a appris que Joel Jones, on a appris il y a quelques jours qu'elle allait continuer la série finalement. Donc, ça fait toujours plaisir. Elle officie aussi au dessin. Donc ça, ça fait très plaisir. J'aime beaucoup Joel Jones au dessin. Mmh. Et on a les couleurs de Laura Red. Donc c'est un gros plus aussi, parce que j'aime bien son taf de coloriste. Et donc, de quoi parle Lady Killer ? Le pitch est très simple, en fait. Ça se passe dans les années 50. Une femme au foyer du nom de Josie Schuller, qui voilà, a une petite vie idéale avec son mari qui va tous les jours au bureau, c'est leurs deux petits-enfants et la belle-maman, donc la femme du mari qui habite avec eux. C'est une femme des années 50, hein, vraiment, il y a toute l'iconographie des années 50, les voitures, les vêtements. Sauf que cette femme en apparence très gentille, très sociable, gentille avec les voisins et compagnie, est une tueuse à gages. Donc, elle mène une double vie. Elle bosse pour une société secrète de tueurs à gages. Elle rend des comptes, elle remplit des contrats, elle tue des gens. Seulement, son employeur, il voit sa petite vie de famille et pour lui, ça ne peut pas durer. Il commence à douter de sa fiabilité et il va mettre un contrat sur sa tête. Donc, le pitch est assez simple. Et la force de ce comics réside vraiment dans toutes les situations qui peuvent découler de ça, en fait. Le premier tome, ça va surtout être, on va découvrir en fait comment elle allie son métier de tueuse à gages et sa vie de femme modèle, de femme au foyer. Et en fait, c'est très drôle parce que son mari est très gentil, très naïf, pour lui, il est toujours en train de plaindre sa femme qui... à plaindre entre guillemets, lui il rentre du travail, du bureau, il est fatigué, sa petite femme est toujours là pour le plaindre, pour le soutenir, toujours là pour lui faire à manger, coucher les enfants, et on voit à côté ce qu'elle fait, ça dénote à fond. Par contre, la belle-mère, elle se doute de quelque chose, enfin elle se doute, elle aime pas sa belle-fille, et elle sent qu'il y a quelque chose de louche en fait, et du coup ça rajoute un petit ressort comique en fait à l'histoire. Et donc ça, c'est surtout le premier tome. Et durant le premier tome, donc, il va y avoir ce fameux contrat mis sur sa tête. Ça arrive assez vite. Et ensuite, tout l'enjeu va être, elle va essayer un maximum de temps de garder son activité parallèle secrète, tout en essayant de sauver sa famille qui court un danger de mort, en fait. Donc c'est super bien écrit, c'est hyper drôle. Les dessins sont superbes, hein. Celui-ci, c'est Joel Jones vraiment au sommet de son art, donc moi je sais que j'adore ce qu'elle fait. Enfin, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, c'est qu'il faut vraiment le lire en fait pour vraiment découvrir. C'est vraiment le pitch est simple, mais c'est vraiment dans chaque petite situation en fait il y a des trésors d'inventivité en fait. Et je suis bien content du coup qu'elle va continuer la série, parce que je pensais que c'était vraiment fini. À voir si Glénat, vu que leur branche comics est un peu en galère, j'espère qu'ils vont publier la suite. Je sais pas, on verra. Oui, il faut espérer. Faut espérer. Ouais. Ouais, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, quoi. Donc, ouais. Je sais pas si les ventes de Lady Killer étaient bonnes, je n'en sais rien. J'espère que oui. Je sais pas du tout. Quelqu'un l'a lu, du coup ? Moi, je l'ai pas lu. Je l'avais vu passer, mais je l'avais pas pris pour des questions financières, évidemment. Je voulais pas me lancer dans une nouvelle série. Ouais. Est-ce que si je prends le tome 1, je peux m'arrêter après, histoire d'avoir une petite expérience, on va dire ? Oh, oui, bien sûr. Ouais, complètement. Ouais. Ok, d'accord. Non, il n'y a pas de théâtre... Non, et tu peux te stopper au tome 2 aussi si tu veux. Pareil. Non, mais tu n'auras pas le choix. Non, mais tu peux faire le 1, tu peux enchaîner sur le 2. Si le 2, c'est pareil, tu dis que tu ne veux pas continuer, tu peux stopper aussi. Tu vas pas rester frustré en fait à chaque fois. Tu sens que ça peut aller plus loin, que ça peut amener à d'autres choses, mais c'est pas du cliffhanger et c'est pas du truc. Donc, ça veut dire si ça stoppe. Bah, un petit peu, il y a un petit cliff quand même, quoi. Faut pas déconner, on n'est pas des sauvages, on va pas se laisser comme ça. Mais tu peux faire. Ouais, carrément. Carrément. C'est pas un souci, mais je serais étonné que ça te titille pas les yeux. Joelle Jones, elle a aussi travaillé. On en est là, les mecs, hein, travaillé. Elle a aussi travaillé il y a pas longtemps là, sur le Batman Rebirth avec Tom King. Ouais. Et elle fait des planches. Ouais. Mais moi j'adore le style de Joelle Jones. C'est magnifique. Bon, Catwoman, ça j'ai pas regardé. Mais enfin, ouais. T'as fait Catwoman en pointillé. Oui. C'est-à-dire la technique des pointillés ou elle le fait pas souvent? Elle est pas tout le temps dessus en fait. Elle est pas tout le temps dessus. Après, c'est marrant, j'ai trouvé dans les Lady Killer le fait, parce que c'est quand même assez sanglant, mais le fait que le sang est colorié en noir en fait. Comme pour ne pas trop choquer, pour pas tomber dans le gore. C'est intéressant. Et il y avait un youtubeur qui avait fait une vidéo dessus, une très très bonne vidéo d'ailleurs. Les rubriques de Jay, je crois, un truc comme ça. Ah, j'aime pas ce mec. C'est un connard. Mais ouais. C'est un traître. Traître, salaud. Il a arrêté les vidéos en plus. Salaud. Et non, mais Lady Killer, bah, si vous connaissez pas, ouais, moi j'aurais tendance à vous le conseiller. Vraiment, c'est très très sympa. Voilà, si vous avez rien d'autre à rajouter. Ah, ça me fait penser un peu à la couverture, là. Il y a une série qui passe en ce moment sur la 6. Là. Oui, ça me fait penser aussi à ça. Why Woman Kill, avec surtout le personnage des années 60, on va dire. Parce que ça se passe la série se passe sur plusieurs époques. Sur trois temporalités. Et, ouais. Et la personne, enfin la couverture, ça me fait penser à la personne des années 60. Et puis aussi au générique de la série, un peu rétro. C'est je me laisserais bien tenter aussi. Hein. Ouais, puis son mari dans la série, c'est un peu la même construction en plus. C'est vraiment c'est cliché de ces années-là et de ces séries qui se passent dans les années 60. Et tu retrouves ça, tu retrouves pareil avec le mari, tu retrouves pareil quand il. Par exemple, t'as les voisins, tu sais, qui évoquent la belle-mère, bah, c'est exactement pareil dans le comics. Enfin, c'est vraiment l'ambiance des années 60 pur jus, quoi. Ouais, je me serais bien tenté, un de ces quatre. Ouais. Bah, pareil comme Phil quand j'aurai l'occasion. Ouais. C'est le... les titres Glénat généralement en occasion se revendent pas cher. Donc, ouais, bah ouais, j'ai réussi à une fois de trouver Lazarus comme ça, débuter Lazarus comme ça. C'est d'occasion, ça se vend assez difficilement les Glénat, donc moi je trouve peut-être pas cher. Chose qui n'a rien à voir mais que j'aime beaucoup chez Glénat, c'est la qualité de leur couverture, un peu genre peau de pêche. Ouais. C'est un vernis spécial appliqué dessus, ouais. Je sais pas du tout, mais franchement, j'aime beaucoup, beaucoup les bouquins de chez Glénat. En tout cas, c'est doux. C'est comme de la peau de roupette. Bref. Donc du coup, mon cher Phil, toi, tu vas nous parler de cinéma maintenant. Exactement. Ouh, c'est vieux ça aussi. Je sais pas si ça existe encore. Ouais. Alors, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici à Vichy, on est confinés. Et je suis confiné avec mes enfants en fait. Et étant donné qu'il n'y a pas école, ils n'ont pas besoin de se coucher à 21h, ils n'ont pas besoin de se lever tôt, de prendre le bus, etc. etc. Donc les soirs, on regarde des films. Et c'est là que je commence un petit peu à être à court de films. Donc je fais appel au chat pour voir si les gens n'auraient pas des idées de films pour les 10-15 ans, mes enfants en 11 ans, 13 ans. Alors, ne me conseillez pas les Tortues Ninja, les Pixar, les Marvel, tout ce qui est sorti il y a ces 10-15 dernières années, parce qu'on y a évidemment tout vu, et puis en plus, moi, je vais souvent au cinéma avec eux. Et voilà, donc je voulais savoir s'il y avait moyen de m'aider dans ma quête. Ils ont vu quelques films, je les ai mis là sur la petite image qui est à l'écran actuellement. Je leur ai montré, c'est pour vous donner une idée de leur goût, et en même temps, c'est assez rigolo, je leur ai montré Amélie Poulain, ils ont détesté. Je ne me demandais pas pourquoi. Ils m'ont dit que c'était du porno. Parce qu'il y a deux, trois petites scènes un peu, je sais pas. Enfin, ils n'ont pas l'habitude. Alors peut-être que je devrais leur faire un porno une bonne fois pour toutes. Hein. Fais-leur lire Canon. Canon, c'est on bien. On va faire un vote. Je leur ai montré Matrix. Je me suis dit, ça, Pardon ? Basique Instinct, c'est pas mal. Ça. Tu t'éloignes de ton micro, ma... Ouais, je t'entends pas du tout. Kit. Ah mince. Basique Instinct, c'est... Non, ça, c'est autre chose. Pas prévu non plus. Avec ta scène de la chaise. Ouais. Moi, j'avais pensé à Emmanuel, mais plus en deuxième partie de soirée. Non plus. Et encore. Je leur ai montré Matrix. Je savais pas si le film avait bien vieilli ou pas. Et en fait, ils étaient vraiment captivés. Ils ont vraiment aimé. Peut-être le côté gros Bill avec la scène de l'hélico et tout. Je leur ai montré Dumb and Dumber. D'après vous, comment ça s'est passé? Super bien. Et bien, exactement. Si, ouais, si vous avez un gamin de 12 ans, vous lui montrez. Ils étaient morts de rire, mais à en pleurer. Et j'aurais pas parié, franchement. Hein. Je pensais qu'ils allaient dire que j'étais débile d'aimer ce genre de film. Mais ils ont vraiment accroché à ma petite surprise. Je leur ai montré Retour vers le futur, la trilogie complète. Ah, ouais. Ah c'est cool. Ça, c'est cool. Ça. Alors, attention, je vais lancer un pavé dans la mare, là. Ils ont vraiment adoré. Ouais. Ils ont adoré. Par contre, ils n'ont pas trop compris le délire des années 50. Et je comprends parce qu'ils n'ont pas grandi comme nous, en tout cas âgés. Ouais. Ils n'ont pas grandi avec Happy Days, ouais. Ma sorcière bien aimée et tout. Ce qui fait que les années 50, c'était. Il n'y a pas de référence qui passe à la trappe. Exactement. Et c'est pour ça que je ne pensais pas dire ça un jour, mais je pense qu'il faut un remake de Retour vers le futur avec non. Un non. Non. Qui retourne dans les 80. Touche pas à Retour qui retourne dans les années 80, et là, ça peut le faire. Et ouais, je suis désolé. Mais j'aurais jamais pensé dire ça, vraiment. Mais peut-être en plus. Mais c'est tellement casse-gueule. Ouais, mais si c'est réussi, ça peut être drôle. Ah non, mais ça peut être très bien. Mais si c'est comme SOS Fantôme, ça va être un massacre. Ouais, non, faut que ce soit bien fait. Ça ferait trop flipper. Un mec de 2020 qui se retrouve plongé dans les années 80, aussi, ça peut être pas mal, ça, remarque. Et il aurait une Tesla pour voyager dans le temps. Et tu devrais essayer Un jour sans fin. Ah oui, oui c'est pas bête. Oui, jour de la marmotte. Alors, tu as Disney Plus, Phil? Oui. Il passe, je l'ai revu là dernièrement avec ma fille, Rocketeer de Joe Johnston. Ah putain, il est sur Disney Plus. Ouais, je l'ai vu une fois quand j'étais gamin, putain, j'aimerais bien le revoir. Il était bien ou... C'était un film Touchstones, donc c'était Joe Johnston, Jumanji, Captain America First Avenger, qui a fait ce film, donc tiré du comics de Dave Stevens. Et bah, je l'ai revu avec plaisir parce que longtemps que je ne l'avais pas vu. T'as de l'aventure, t'as du nazi à la Indiana Jones, t'as de la belle petite pépée parce que tu as la Miss, comment elle s'appelle, qui joue dans le premier Hulk avec Eric Bana. Jennifer Connelly. Ouais. Ah, oui, non, Jennifer Connelly. Ah, si, ouais, si, non, c'est... si je peux juste vous raconter une petite histoire. Hier soir, on jouait... avec Jules de la chaîne Jules et Nico et Adri de Laura TV dans la Warzone, et il me titille, alors le programme c'est quoi pour demain et tout, c'est quoi les geekries? Normalement on ne le dit pas, bon, je suis une sous-merde et j'en ai parlé. Et du coup je leur dis, bah Phil, du coup il risque de demander au chat des films pour à peu près les enfants de 12 ans, et Adri, tu vois, il en a fait une affaire personnelle. Il a dit, écoute-moi bien, je vais te pourrir ton chat, tu vois. Et là, il fait des copier-coller là. Donc depuis tout à l'heure, il a commencé sur, il a commencé au tout début en fait de ta chronique. Il a dit bon, c'est maintenant. Il s'est craqué les doigts et depuis tout à l'heure, il te conseille mais tout un tas de trucs. Tu vois par exemple là, il y a Hot Shot 2. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Dracula, mort et heureux de l'être. SOS Fantôme. Il y a des trucs assez cultes. Il a raison, genre les Jurassic Park, les Men in Black. Et Indiana Jones. Indiana Jones. Ah oui, mais attendez les gars, mais je leur ai montré les Y a-t-il un pilote. J'ai pas mis toutes les images. Hein. On a fait l'intégrale des la trilogie Indiana Jones. Oui, car ce n'est qu'une trilogie. Ah, et Dragnir, ouais, il a raison. Les aliens et les prédateurs. Voilà. Bah oui. Non, ça passera pas. C'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs, parce que on a regardé Le Soldat Ryan avant-hier, et ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ben, je peux vous assurer que chez moi, c'était le Vietnam. Il y en a un, j'avais oublié que la scène d'intro était aussi violente. Il y en a un qui a pleuré. C'est... Et il y a l'autre qui est parti parce qu'il avait envie de vomir dans les WC. C'est trash. Ah ouais, les boyaux et tout, j'avais complètement oublié. Alors après, ils sont revenus. Ouais. Une fois que la scène était finie, ils ont bien aimé le film, surtout la scène finale avec les tanks. Mais j'avais oublié que c'était d'une violence, mais incroyable. Ah, et au moins, Spielberg a réussi son but. Il voulait montrer l'horreur de la guerre. Bah, alors là, c'est réussi. Je peux dire que les gamins, il bougeait plus. Hein. Il y en a un qui était au-dessus de la cuvette, l'autre qui chialait. Ah ouais, ouais. Les dents de la mer, c'est trop tôt aussi ou pas? On l'a vu. Il est passé il y a. Si, si, on l'a vu. Il est passé il y a un mois ou deux. Et du coup ils ont bien aimé. Si, si, ils ont bien aimé. Mais il y a des films comme ça où j'ai des doutes, où je pensais qu'ils vieilliraient mal. Ouais. Comme par exemple Rocketeer. Mais si tu me le conseilles, pourquoi pas. Mais je pensais vraiment que c'était des films qui avaient un petit peu mal vieilli. Puis en fait, ça passe. Enfin, en tout cas, Les Dents de la Mer. Mais Les Dents de la Mer, regarde, le truc, c'est que tu vois finalement pas trop le requin. Tout est basé sur la suggestion. Et il suffit que tu sois dans l'eau avec une prise de vue d'en dessous et une musique un peu angoissante. Oh, Bah, c'est comme Signe, d'ailleurs, que j'ai mis en photo aussi. Ouais. C'est tout suggéré. Hein. Signe. Elle est géniale. Et... C'est toute la force du film, justement. Et que j'adore Signe, vraiment. Ouais, pareil. Et alors, par contre, je sais pas. Oh là là, si, c'était Karim Debbache qui avait fait un truc sur Signe pour expliquer comment on pouvait éventuellement l'interpréter. Ah, comme quoi les alliés venaient en paix et compagnie. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était intéressant comme parti pris. C'est intéressant, mais quand tu regardes le film, c'est peu crédible en fait. Moi j'ai vu l'explication vis-à-vis de Dieu. Toute la symbolique qu'il y a en fait. Que, bah, on va pas trop spoiler, mais. Sa femme et tout ça. Ouais, le sage de sa femme. La fin, ce qui se passe avec le petit. Qu'en fait, c'était un hasard un peu gros. Enfin, c'était. Ouais. C'est déjà plus crédible, ça, ouais. Ouais. C'était pas mal l'explication, là, je trouvais. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ce film, je le trouve vraiment, vraiment super bien. Et pour le coup, ultra angoissant. Enfin, moi, il y a eu des scènes... Ils ont pas eu aussi peur que je pensais. Ah ouais. À part la première apparition, tu sais, quand il regarde à la fenêtre de sa fille, il voit une silhouette sur le toit derrière la cheminée. J'ai un de mes fils qui a gueulé « Oh, ta mère !» Là, il a vraiment eu peur. Quand il passe dans la ruelle aussi au Brésil, là... Sur la vidéo. Ouais. Ah, puis il regarde la vidéo enfermée dans le placard à balai. Puis Joaquin Phoenix qui est à l'opposé de Joker ou d'autres films, quoi. Il est vraiment attachant dans ce film-là. Quoi. Génial. Tiens. Il est avec ses neveux, son neveu et sa nièce. En fait, je l'avais vu quand j'étais ado, j'avais été le voir au cinéma et j'étais tellement dans le film, tellement dedans, j'ai flippé, mais comme j'ai jamais flippé devant un film en fait. Quand il se retrouve dans le champ de maïs et qu'il y a l'extraterrestre, bah, quelque part dans le champ, tu sais pas, en pleine nuit, scène-là, oh la vache, et j'étais pas bien. Plus jamais tu regardes le popcorn de la même manière après. C'était l'époque où Shyamalan il faisait des très bons films. Ah, là, il enchaînait Sixième Sens, Incassable et ça, je veux dire. Si tu rentres dedans et vraiment t'accroches, ça fout les jetons à mort. Quoi. Et il y a Laura TV aussi qui dit, alors attention, on en part sur du très très vieux, je t'en fais trois. J'ai pas le temps de lire, ouais. Vas-y. Mais tu pourras tous te les refaire. Et puis de toute façon, il a la liste, donc il peut te les envoyer. Et il y a La Gloire de mon père, Le Château de ma mère. Alors, attention, c'est du vieux français, mais c'est très bon. Pas simple, mais sympa. Je pense que c'est sympa, pour les 15-16 ans, mes gamins sont plus dans le divertissement, honnêtement. Et Robocop, le premier binôme. Les maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren. J'ai peur qu'il ait pas vieilli aussi. Terminator 1 et 2. On les a déjà vus. Alors On s'est arrêté au troisième, parce que le quatrième, j'ai lancé. Et il y a une espèce de screamer au début où il y a un monstre qui sort de l'eau, ils ont eu peur donc on a arrêté. Mais ils ont bien aimé le 2. Et le 2, ils étaient à fond dedans, genre putain, il va pas mourir ou quoi. Ils étaient vraiment. Le 2, il était. Ah, c'était le meilleur, le 2. Vraiment, ouais. Le 1, il a vieilli quand même. Ah, ouais. Ouais, mais ça sent bon les années 80 pour le coup. Ça aussi, c'est un bon témoignage d'une certaine époque. Ah, avec la boîte, le tech noir, ils ont des looks, mon pote. Laisse tomber la gueule des mecs, quoi. Et bah voilà. Et les hot shots, vous avez pas regardé les hot shots? Alors attends, je leur ai montré les Yatil. Je fais des conneries, je leur ai montré. Si, je leur ai montré. Ça s'est bien passé. Vu que c'est des parodies. Ah ouais, merde. S'ils connaissent pas les films, c'est un peu plus compliqué. Les Ace Ventura aussi, ils ont. Ouais, celui-là, il est prévu, exact. Ace Ventura, au moins le premier. Masque. Ah, ce masque, ouais. Masque, ouais. Les Goonies, ouais, ils ont. Ça serait bien que ce soit des films que j'aime aussi. J'ai un problème avec les Goonies. Ah, t'aimes pas les Goonies, ouais. Parce qu'il y a Jean-Marie Le Pen qui joue dedans. Il n'aime pas les enfants. Il y a son sosie à Jean-Marie Le Pen à l'intérieur. On est d'accord. La dame, c'est Jean-Marie Le Pen. Ouais. Sérieux. Elle a une gueule, mon pote, une trogne. Oh. Et les, ah oui, les Gremlins. Ah ouais, les Gremlins aussi. Tiens, je vois Vanes qui conseille du Louis de Funès. Franchement, c'est. Ça serait quoi le meilleur des Louis de Funès, à part la Grande Vadrouille qu'il faut qu'on regarde? Bah, nous, on a fait la Grande Vadrouille avec le grand. 8 ans. Ça passe. C'est passé crème. Ah ouais, tu m'étonnes. Allez, je note. Ouais. J'en suis sûr qu'il est bon celui-là. Ouais, la Grande Vadrouille. Ouais. J'ai tellement de. Non, c'est l'aile ou la cuisse. L'aile ou... ouais. La cuisine au beurre aussi, c'est sympa. Mais bon, c'est vieux quand même. Putain, c'est peut-être pas facile. Ah, la cuisse, c'est vieux. Ouais, c'est vieux. Ouais, j'ai regardé le début l'autre jour. Au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, ils accrocheraient pas, franchement. Ouais, c'est. Enfin, y en a. Mais tu vois, il t'a fait une liste. Ouais, mais je suis regardé ça. Ouais, je regarderai la rediff. Et c'est là que tu te dis que, enfin, t'imagines maintenant les gosses qui maintenant. Ben, il dit les trois frères. Tous les films rattrapés. La momie, la momie 2, le roi scorpion, les Blues Brothers, Stuart Little, Waterworld. Ah ouais, Waterworld. Hudson Hawk, Hudson Hawk aussi, c'était l'ours. Marrant. L'ours, le film L'ours. Ah, l'ours, très bien, bravo. L'ours. Ah ouais, l'ours. Oh, j'avais oublié celui-là. Qu'est-ce qu'il nous a mis d'autre? Puisqu'il nous en a mis une chier. Independence Day. Ah ouais. On l'a pas vu encore. Ah, Independence Day, ouais. C'est... Il y a un pote qui l'a vu récemment, il m'a dit le regarde plus, tu vas être déçu apparemment. Il y a un gros manque de rythme et compagnie. Les Die Hard. Armageddon. Les Die Hard, on a fait. On a les fait. Die Hard, c'est fait. True Lies. Last Action Hero, on en parlait hier, on a tapé un gros délire sur Last Action Hero. On l'a vu aussi celui-là. Ouais, il passe bien. Ils ont adoré. Quatrième mur et tout ça. La vie d'Adèle. Non, je déconne. Vous avez un beau Polanski à me proposer. C'est ça. Un bon Armageddon avec un Bruce Willis sauveur du monde. Ça peut le faire aussi, mais je me demande s'ils l'ont pas vu celui-là. J'ai l'impression d'avoir vu il y a pas longtemps. Oh, par contre, on se calme. Hein. Oh, on déconfine le 11 mai. Hein. Là, t'as des films jusqu'à octobre. Alors, on se calme hein, à un moment donné. Il va falloir aller au boulot, monsieur dame. Enfin, déconfine le 11 mai, ça dépend de ta vie. Le dernier Samaritain, tiens, avec Bruce. Le dernier Samaritain, il pète. Ah, bien, ça. Ah, mais il est un peu violent, non? Ça passe. Ouais, quand même. Hein. Ah, oh non. Attends, si t'as vu Robocop, ça va. Non, moi je l'ai vu, mais les gamins, non, c'est pas possible. Robocop 2, il est hyper violent. E.T. Bien sûr, E.T., Cédric. E.T., oui. Ah, E.T. Pirates des Caraïbes. Déjà vu. Super 8. Bah, du coup, si t'as vu E.T., tu peux partir sur Super 8. Super 8, c'est Super 8. Super 8, y a pas un petit peu de violence? Je me souviens plus, je l'ai vu pourtant. Ça passe. Hook. Sur la fin. T'as pas vu Hook? Je me souviens plus, c'est possible. Oh là là, Hook, c'est pareil, là, on l'a fait avec les gamins. Putain, ils étaient comme des dingues. Ah ouais? Bon, ah bon, ouais, okay, ça passe super bien, Hook. Ils font une bataille de bouffe imaginaire. Ça passe. Ok, ok. Ah, et les Star Wars, tête ou bide? Alors, attention. Quitte, je vais lancer un deuxième pavé dans la mare. Là, c'est dans la gueule que tu vas le jeter, là, le pavé. Attention. Ouais. Là, tu vas louper la mare, là. Non, les Star Wars, en tout cas, ce que je constate auprès de mes enfants, de mes petits cousins et de tous les copains de mes enfants, les Star Wars, c'est vraiment pour les petits de 5-6 ans, pour les jouer, et pour les vieux comme nous, pour la nostalgie. Mes gamins, ils s'en battent les couilles de Star Wars. Vraiment, un truc de ouf. Voilà, les obsèques de Kit auront lieu mercredi à 14h. Voilà. En raison des confinements, seulement 20 personnes seront mises autour du cercueil. J'ai entendu son cœur arrêter. Ah, ni fleurs, ni couronne, simplement des coffrets Blu-ray de l'intégrale Star Wars. Merci. Bah, du coup, si vous êtes d'accord, on va pouvoir passer à la dernière geekerie. Oui, bah merci beaucoup le chat, hein, merci à vous les gars. Et du coup, Adri, je pense que tu peux nous confirmer que tu vas lui envoyer ta petite liste. Il a bossé, hein. Bah, en même temps, c'est Adri, hein. Il peut pas faire les choses à moitié. Ah, s'il a bossé, non alors, non. C'est... et donc, ah bah la dernière geekerie, bah c'est pour moi du coup. Putain, alors celle-ci elle est particulière aussi. Mais parce que, alors c'est un bouquin qui m'a été conseillé par James de Comics Discovery. Et c'est Quartier Lointain, un manga de Jiro Tanaguchi. Jiro Tanaguchi, qui est mort il n'y a pas très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Que vous dire? Alors je n'ai alors mais rien préparé, j'ai pas pris de notes. L'histoire en fait de ce bouquin, on va être à, j'ai pas les noms en tête. Hein. On est avec un père de famille qui a deux enfants, deux filles de mémoire, il a 48 ans. Et il revient d'une soirée un petit peu arrosée, d'une bringue. Il se trompe de train pour rentrer chez lui. Et puis finalement, il atterrit dans la ville de son enfance, dans le quartier de son enfance. Et puis bah, du coup, il décide d'aller au cimetière pour retrouver la tombe de sa mère. Et puis bah, voilà quoi. Et il va sur la tombe de sa mère. Et à un moment donné, il y a comme une espèce d'ellipse temporelle, comme si il venait de s'endormir, et quand il se réveille, et ben il est retourné dans le passé, il est retourné à son âge de quand il avait 14 ans. Et la particularité en fait de ce petit garçon, donc du coup qui a perdu sa mère, c'est que il revient dans son corps de quand il a 14 ans, mais il a toujours ses 48 ans et tous les souvenirs évidemment de sa vie passée. Et il se rend compte assez rapidement qu'il est à quelques semaines, quelques mois de la disparition de son père. Son père va du jour au lendemain disparaître, se barrer, sans laisser ni trace ni adresse. Personne ne sait qu'est-ce qu'il est advenu de lui. Voilà. On n'a aucune nouvelle de ce monsieur. Et voilà, c'est le point de départ de cette histoire, et on va suivre la vie de ce petit garçon qui n'en est finalement pas un, et de comment il va revenir dans sa vie de jeune adolescent, et comment il va revivre cette disparition de son père, revivre sa jeunesse et tout ça. Alors c'est un bouquin, alors si je dis pas de bêtises, c'est un intégral qui coûte à peu près 30€ chez Casterman, qui rassemble en fait deux volumes, et c'est une histoire complète. C'est vraiment une histoire que je trouve complètement atypique, dans la mesure où on n'est pas sur un bouquin où il va y avoir de l'action, il va pas y avoir des extraterrestres, des coups de feu, enfin voilà, on est vraiment dans un récit qui est qui soit va capter le lecteur et l'emmener avec lui dans cette histoire, soit vous allez passer à côté, et puis bah, ma foi, vous n'allez pas pouvoir apprécier cette histoire. Mais moi, ce que j'ai tout particulièrement aimé, c'est les questions, les interrogations que ça peut susciter chez le lecteur. En ce qui me concerne, moi, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir, et ça permet une forme d'introspection assez personnelle. C'est-à-dire que de ce que j'en vois, de ce que j'en retire, pour moi, c'est comme si c'était une histoire qui permettait de mettre en relief que quand on est jeune, quand on est enfant, on peut assez facilement reprocher des choses à nos parents, reprocher des choses aux adultes, reprocher des choses à notre père, avoir des incompréhensions, avoir des non-dits. Et sans forcément qu'on s'en rende compte, et le temps avançant, et ben on va devenir un homme, on va devenir un père, on va devenir une mère, et on va peut-être avoir des schémas de vie, des schémas de pensée qui vont être très proches. Voilà. Et c'est un petit peu tout ça. Pour moi, c'est un récit qui est extrêmement humble, où il y a énormément d'humilité qui en ressort. Vraiment, c'est vraiment, bon, bah, pour le coup, à la japonaise, et qui force le lecteur, s'il le souhaite, à réfléchir sur sa propre condition, sa propre relation à son passé, à son enfance, à ses relations qu'il peut avoir avec ses parents, aux choses qui ne se sont jamais dites. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Alors là, évidemment, je pense fort à Jules, parce que Jules, c'est vrai qu'il l'a lu et que bah, il a pas du tout aimé ce bouquin. Et évidemment, c'est pas un problème, même si c'est pas un problème. Mais ça nous a fait beaucoup rire, parce que ça a animé nos conversations pendant pas mal de jours. Et voilà. Et je sais que bon, bah là, ce qui est dramatique, c'est qu'il peut pas répondre, évidemment, mais qu'il aurait beaucoup de choses à dire sur ce bouquin, parce que bah, il l'a pas du tout aimé, et les raisons pour lesquelles il ne l'a pas du tout aimé, et ben, sont tout à fait valables. Voilà. À mon sens, il faut vraiment se faire son propre avis. C'est un bouquin qu'il faut lire dans une certaine ambiance. Voilà. Moi, je l'ai commencé un matin vers les 10h, et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce qu'il soit terminé, avec une petite pause pipi, une petite pause manger au milieu. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Et je sais, du coup, Dramout, que tu l'as lu et que tu l'as beaucoup aimé toi aussi. Et je vais te laisser peut-être en parler, certainement mieux que moi, pour le coup. Oh, bah, t'as tout dit. Mais moi, je l'ai lu il y a longtemps, en fait. Ça fait pas mal de temps que j'ai lu, parce que l'œuvre, elle date du début des années 2000, quelque chose comme ça, je crois. Mm-hmm. Et je l'ai lu, ouais, il y a peut-être... il y a presque 10 ans, quelque chose comme ça. Et moi, je l'ai lu dans le contexte en étant en plus un jeune adulte qui venait quasiment de quitter chez mes parents. C'est-à-dire que moi, je venais de partir. Ça faisait, je sais pas, peut-être un an et demi que je vivais plus chez mes parents. Et c'est la première fois qu'on quitte ses parents, on a toujours en plus un peu cette excitation à partir et à se dire c'est bon, je suis plus dépendant de papa maman, je suis un grand, etc. Et en même temps, on se rend compte à quel point on est dépendant de nos parents, à la fois un peu déjà financièrement, mais surtout le fait de plus avoir ses parents, ça fait quand même finalement une première étape, un premier choc qu'on digère pas tous de la même manière non plus. Moi, je sais que je n'avais pas de difficulté, mais je voyais que les gens dans ma promo, il y en avait certains qui le vivaient super mal, par exemple. Hein. 18 ans, ne plus être chez papa-maman, on n'est pas tous prêts, quoi. Et du coup, moi, quand j'avais lu, ça me faisait un peu faire des petits retours avec la situation d'un départ qui était tout frais. Donc, ce n'est pas la même situation que quand on est plus âgé et qu'on a comment dire, un peu plus d'expérience et qu'on n'a pas le même... On n'a pas le même ressenti sur ce qu'on a vécu ou quoi que ce soit. Je pense que c'est aussi quelque chose qui joue dans la lecture. Mais moi, je pense que c'est aussi ce contexte-là qui fait que c'était bien passé. Et moi, c'est dans ces récits tranches de vie. Ça doit être c'est dans mes meilleurs souvenirs de lecture. Et j'adore Jirō Taniguchi dans la plupart de ses œuvres. Parce que, enfin, il a touché beaucoup beaucoup de choses. Hein. Il a des œuvres qui sont très très, on va dire, personnel, un peu comme Quartier Lointain, et puis il a des œuvres aussi qui sont de la fiction, etc., quoi, enfin du divertissement, etc. Mais dans ces récits tranches de vie, moi, c'est une lecture complètement marquante, quoi, et qui me reste, par contre, je me souviens encore de comment je me sentais après l'avoir lu, quoi. Putain, on aurait peut-être pas dû terminer sur ça, hein, finalement, hein, parce que si tu veux... Je peux ouvrir une petite parenthèse. Oui, oh, toi, vas-y, je sens que tu vas faire quelque chose de lourd, toi, vas-y. En fait, non. Quand tu as commencé à parler de ça, d'histoire, ça m'a fait penser, vraiment, dans les grandes lignes, au manga, comment je me suis réincarné en Yamcha. Je sais pas si quelqu'un l'a lu, celui-là. Ah oui, c'est très bon, ça, ouais. C'est génial. Mmh. Et en fait, c'était un fan qui l'avait écrit à la base, et c'est tellement bon qu'ils l'ont payé, hein, ils l'ont édité. Et en fait, c'est un jeune fan de manga qui meurt et qui est réincarné en Yamcha dans l'histoire de Dragon Ball. Donc Yamcha qui est un peu... en fait, voilà, c'est un peu une victime et tout. Mais le truc, c'est que lui, il connaît toute l'histoire de Dragon Ball. Donc il sait quand est-ce que les Saiyans vont arriver sur Terre. Il sait quand est-ce que Freezer, l'arc va débuter. Cell, il connaît tout. Et donc, il connaît aussi la salle de l'esprit du temps. Donc il va pouvoir s'entraîner et pendant un temps, en fait, il va être au top. Genre, quand il se fait défoncer à la base dans le combat contre les Saiyans. Mais là, en fait, les Sabaïmen, il va tous se les faire tout seul, par exemple, ou des trucs comme ça. Et il va survivre jusqu'à l'arrivée, par exemple, de Goku. Et enfin, voilà, c'est un super manga. Et voilà, c'est une petite parenthèse. Et il y a Cédric de Comics Discovery qui nous dit, mais en termes de chialage, on est où à peu près? Moi, je trouve pas qu'on est sur du chialage. Enfin, on chiale pas, je trouve. Je pense que ça peut vraiment être interprété, être compris, être apprécié de manière différente par chaque lecteur, parce que finalement, en fait, tu vas rentrer dans ce bouquin avec ce que tu vas aussi emmener de toi et de ton passé, de ton histoire. Mais c'est quoi les arguments de Jules? Parce que moi, je ne l'ai pas lu, ce bouquin, mais j'ai l'impression que c'est un thème universel. Et c'est bête ce que je vais dire, mais qu'on est presque obligé d'apprécier ce livre. Enfin, non, tu n'es pas obligé. Je ne vois pas comment tu peux... Ah ouais? Non, je suis obligé de dire ça, sinon il va me péter les deux genoux. Et puis, je ne veux pas trahir sa parole. Mais voilà, il n'a pas du tout aimé l'histoire, il n'a pas aimé le dessin, il trouve que c'est vide, il trouve que ça ne raconte rien. Enfin, voilà, ah ouais, quoi, okay. Il est complètement passé à côté. Enfin, non, oulala, mon Dieu, quand je dis ça, là, il est en train de sortir une Winchester. Il n'est pas passé à côté, c'est de la merde pour lui. Enfin, voilà, c'est pas du tout son truc. Et voilà, il n'y a aucun problème, ça se respecte. respecte, mais tu vois, t'as Nico qui l'a lu et qui a vraiment kiffé, James, bon, il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment, et après voilà quoi. Et je pense sincèrement que c'est vraiment le genre de bouquin, soit tu le détestes, soit ça va vraiment marcher. Mais je pense, j'ai pas vu de personnes qui l'aient lu et qui sont juste restées, tu vois, ouais, pourquoi pas, non. Non, soit ça, okay. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment une histoire complètement atypique, tu vois. Il va pas y avoir de grands événements, il va pas y avoir d'éclat, il va pas. C'est vraiment l'histoire d'une vie, quoi, tu vois. Une vie dans son quotidien, dans ce genre de choses. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est ce genre de choses que j'aime apprécier. Mais pour des raisons toutes bêtes, tu vois, on est dans une société où très souvent on va rechercher la réussite individuelle, à gagner un maximum de pognon, de ce genre de choses, et le véritable bonheur, il n'est pas là. On sait évidemment qu'il faut un minimum de moyens et de bonheur et de moyens matériels pour vivre comme il faut. Mais des fois, regardez simplement, par exemple, la grande vadrouille, tous les quatre, enfin tu vois, mes deux enfants, ma femme et moi sur le canapé, même si on n'est pas dans une maison ultra luxueuse, mais le fait d'avoir ce petit moment tous les quatre ensemble, ben, pour moi, c'est des moments qui sont complètement hors du temps, et je trouve que ça retranscrit aussi ces petits moments. Mais voilà, Jules, c'est peut-être qu'à un moment donné, il n'était pas dans les bonnes conditions, peut-être que ça lui a pas parlé, voilà, c'est pas du tout quelqu'un de sans cœur, ni loin de là, parce que, mon Dieu, on a eu l'occasion d'échanger suffisamment, lui et moi, pour savoir que ce mec, c'est plus qu'un cœur qu'il a, tu vois, c'est vraiment, voilà, et bah, ça l'a pas touché, bref, tu vois, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut tester, et voilà, et j'insiste sur le fait, tu vois, ce que je disais à Cédric, c'est que finalement, je suis convaincu de ça, c'est que tu vas rentrer dans ce bouquin avec ce que tu vas aussi emmener de toi, et ça, je trouve que c'est super intéressant. C'est il y a Sorel66 qui nous demande combien il y a de tomes. Il y a deux tomes, mais tu peux facilement le trouver en intégrale chez Casterman pour 30€ si je dis pas de bêtises. Voilà. Après, ça passe ou ça casse, mais je pense que ça vaut le coup de le tenter. Voilà, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non, j'ai cru voir un message tout à l'heure sur le chat. On demande éventuellement une dernière geekerie à conseiller. Pour un truc ça. Un peu plus joyeux. Je sais plus qu'est-ce qu'on en parlait, là j'ai vu ça tout à l'heure. Alors moi je conseille du coup La Cambrioleuse. Oh, c'est un film. Vas-y, c'est merde toi. Ah, bon, allez, vas-y, on te regarde. Alors La Cambrioleuse, c'est un film israélien. Ouais, ah ouais. Bah ouais, les gars, il y a aussi un film israélien qui s'appelle La Cambrioleuse. Mm-hmm. Et bah ben, ouais. Pas les mêmes références. Hein. C'est un film de Hagar Ben Asher. Mmh. Voilà, que je vous conseille, dont il est au scénario également, avec Lily Kornowski en tant qu'actrice. Voilà, je vous conseille vraiment La Cambrioleuse. Voilà, merci. Bien sûr. Et donc, pas La Cambrioleuse avec Clara Morgan. Non, pas non, c'était une vue de l'esprit. Il savait même pas qu'elle existait. Donc. Ça, on a déjà conseillé Canon, donc du coup. Voilà. Eh ben, on est passé pour des gros beaufs, quoi, une fois de plus, mais c'est pas grave. Pour une fois que ça vient pas de moi, écoute, on va faire avec, hein. On n'est pas malheureux, déjà. Voilà. Et ben, c'était la dernière geekerie. Et puis, ben, du coup, ben, c'est la fin de cette soirée. C'est la fin des Corona geekeries. Oh, putain. C'est une tristesse. Mais, c'est une tristesse, oui et non, parce que c'est... déjà parce qu'on revient dans pas tellement longtemps et ça nous fait super plaisir. Et puis avant de se dire réellement au revoir, enfin vraiment, un grand merci à Rétrophile parce qu'on n'était pas sûr que tu acceptes de venir une deuxième fois, venir faire les cons avec nous et ça nous a une fois de plus complètement honoré. Et tu reviens quand tu veux. Bah, merci, c'est un plaisir. Hein. J'arriverai jamais à battre le record de Jules et Nico, mais on parie. Je vais quand même revenir. On parie. Ah ouais. Ah. Bah, il est venu trois fois, bah, ou deux fois. Ils dorment derrière le canapé chez toi, c'est pas possible, ils sont tout le temps là. Franchement, en ce moment, on se parle tout. Enfin, ouais, on s'appelle tous les jours, on se parle tous les jours, c'est ma couille, tu vois. Bref. Non, mais. A priori, tu les as dans la peau d'après la dernière miniature que tu l'as fait. Tout à fait. Et ah putain, je les trouvais pas, bien vu, j'étais pas vu. Oh, ils sont forts. Ah, c'est. J'allais chercher dans le public, moi. C'est le petit talent de Jules qui nous permet d'avoir tout le temps ces petites miniatures absolument magnifiques. Et avant de, bah de. Et merci du coup à Kit aussi, putain, ça, tu vois. C'est... Bah non, mais ça fait plaisir de retrouver des copains des ex-lescomics.fr. D'ailleurs, ils m'embrassent, hein, ils vous font le bonjour. Donc, ouais, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et puis, mais on les embrasse aussi. On est joignable sur Messenger, il n'y a pas de problème. Ils peuvent nous faire un bisou quand ils veulent, on leur fait un bisou aussi, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est, tu vois, la réflexion qu'on se faisait, c'est que on a la chance, enfin, tu vois, de pouvoir lire tes reviews et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la chance de souvent t'entendre. Et, non, ben oui, presque. Donc ça m'a fait plaisir de l'invitation, il n'y a pas de problème. Et comme Pistolet à Bulle, tu vois, la semaine dernière, tu as des gens comme ça qui, dans le paysage, s'illustrent par leur gentillesse, leur bienveillance, et enfin voilà, et tu fais tellement partie de ces gens que. C'était tout naturel qu'à un moment ou un autre, on a envie de t'inviter et de passer une soirée avec toi. Et c'est pareil, tu reviens quand tu veux, mon petit poulet. Bah c'est bien gentil. Alors, quand je dis mon petit poulet, comment dire c'est complètement affectueux, hein. D'accord. Ma petite caille, voilà. C'est bien une caille, on va rester sur la caille. Je m'en suis même pas rendu compte en la faisant arriver. Celle-là, elle était pas mal. Mais et du coup, avant de terminer, on voulait quand même remercier bah, tous les invités qui sont venus pendant ces Corona Geekery. Et il y en a un paquet. Donc il y a Jules et Nico, évidemment. Et tout particulièrement ces deux-là, parce que voilà. Yanda, Mister Yanda. Ça nous a fait énormément plaisir aussi. Jérém, des comics de Jérém. Sam et Steve de Comic City. Ça, on s'est fait un gros, gros kiff en les invitant parce qu'on est des fans, hein, ni plus ni moins. Vanesse, notre Vanesse des GG Comics qui est tout le temps là, qui est d'une gentillesse, d'une bienveillance. Enfin, voilà, c'est une crème. Et SN Parod, parce que, enfin, voilà, SN Parod, c'est un puits de science aussi d'une gentillesse incroyable. Antoine Ellie. Pareil, qu'on connaissait pas, comment dire, d'une manière intime réellement et qu'on a appris à découvrir et qui est un type génial. Laura et Adrien de Laura TV. Adri, c'est le sultan Adbabad sur Call of Duty. Vous devez le savoir, c'est son petit nom de guerre. Le French Geek de la caverne du French Geek. Pareil, ça c'est un ami. Florent, Pistolet à Bulle, enfin voilà, évidemment. Et aussi, un grand merci à Excalibur Comics d'avoir fait ce petit concours avec nous. Merci bah, pour la confiance, je le répète. N'hésitez pas à soutenir ce libraire qui est très bien. Et un grand merci, donc du coup, bah, à tous les deux, Kit, Phil, parce que c'est, voilà, on est honorés que vous ayez été avec nous pour finir cette petite parenthèse dans nos podcasts. Bah, merci à vous, et puis en espérant un jour, quand ce sera possible, de se retrouver en convention ou je ne sais où, comme bah, ce fut le cas avec bah, Phil il y a 4 ans de ça, ça m'a fait plaisir de le rencontrer. Donc, c'était trop court. C'est... Ouais. Donc, non, mais c'est vrai, hein. Cool. On s'est juste croisés, on a parlé 2 minutes. C'était... Oh, un peu, ouais, c'est un peu plus. Non, c'était bien, c'était cool. Et puis, non, c'était avec plaisir. Il n'y a pas de souci, les gars, merci. Merci à vous et merci à tout le monde sur le chat, hein, tous les habitués. On reconnaît que tous les noms et les pseudos, donc c'est toujours cool de voir mais les mêmes noms partout. Là, c'est sympa. Mais grave. C'est un immense merci au chat, aux auditeurs, aux copains. Voilà. Mais après, bon, là, ça devient. Je suis tout le temps à la fin des émissions dégoulinant de gentillesse, tout ça. Alors que dans la Warzone, je suis un sinistre connard. Donc, tu vois, ça tranche un petit peu, mais bon, voilà. Et je sais pas si vous voulez dire un mot avant de couper. Non, mais comme on disait, c'est la dernière des Corona Geekery, mais bon, c'est pas la dernière de la rubrique Geek. Donc, on reviendra bientôt. Au contraire, ce n'est qu'un début. On a plein de plans et de choses à faire encore cette année. Ce n'est que le commencement. C'est ça. Et en espérant eh ben, qu'on continuera à s'amuser comme ça tous ensemble. Et les mecs, vous revenez quand vous voulez. Hein. Pas de soucis. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, les gars. Merci beaucoup, c'est super gentil. Mesdames, messieurs, c'était les Corona Geekery. C'est la fin de cette petite parenthèse dans nos podcasts. On revient très vite dans notre format habituel. Faites très attention à vous. Continuez à adopter les gestes barrières. Et puis, prenez soin de vous, de votre santé. Faites pas les cons. On n'est encore pas sortis d'affaires. On revient très vite pour vous amuser et passer un bon moment tous ensemble. Un grand merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Et on vous dit à très bientôt dans la rubrique Geek. Des bisous, salut ! Bisous. Salut ! Ciao.